Cet épisode de Rétro Nouveau est une présentation de Simon Dubois. Ben oui, parce qu'à l'épisode 34, on avait dit Simon Léonis et puis on s'était vachement trompé. Désolé, mec. Rétro Nouveau. Aujourd'hui à Rétro Nouveau, les jeux Retro Game Challenge et Zen Pinball 2. En discussion, les conditions idéales pour jouer à un jeu. Ouais, question de bobette. Hey, salut Dom! Salut Bruno! Ça va bien? Ça va toi? Yes, ça fait longtemps que je t'ai pas vu ton beau visage dans mon salon. Il me semble que ça fait un miche en bout qu'on s'est vu. Oui, parce que, écoute, j'ai été malade. Bon. J'ai été malade, puis j'étais carrément sur le cul. Mais oui. Il a fallu qu'on skip. Puis l'autre semaine, ben toi, t'étais j'ai aussi un autre podcast. Ça fait que ça a comme scrappé notre horaire. Ouais. Mais on est là, on est vivant. Ouais. On est toujours alerte, là. Puis, ça a été une bad luck, vraiment. Bad luck. Ça nous a manqué, en tout cas. J'ai eu bien la misère. J'avais hâte de recommencer. Ça me démangeait. Ah ouais, c'est clair. Puis toi, je pense que tu voulais parler de la boutique de Papa Cassette. Absolument, je voulais en parler la dernière fois, mais j'étais malade, je n'ai pas pu. Oui. Pour ceux d'entre vous qui sont allés voir sur papacassette.com dernièrement, vous avez sûrement remarqué qu'il y a eu beaucoup de nouveaux stocks, là, vraiment beaucoup, beaucoup. Oui. Ça, c'est parce que j'ai maintenant deux associés. Nice. En fait, je me suis mis à discuter avec un gars sur Twitter qui s'appelle Pascal Poulain. Puis il affichait aussi sur Club Gamer. Oui. Il affichait beaucoup de choses, des bons jeux, tu sais. Fait que je jasais avec lui sur Twitter. Puis là, de fil en aiguille, comme ça, on s'est comme dit que peut-être qu'on pourrait essayer de s'associer, mettre nos jeux ensemble, puis tout. Fait que je l'ai rencontré, c'était super cool. Puis lui, il y a un autre ami à lui avec qui il deal aussi dans sa business de son bord qui s'appelle Marc-André Mayotte. OK. Donc, j'ai rencontré ces deux gars-là. Puis là, c'est en branle. Dans le fond, on est comme associés. Okay. Il y a des détails à fignoler puis tout. Mais on met tout notre matos ensemble puis tout est à vendre. Eux autres, ils uploadent des affaires sur Papa Cassette. J'en upload aussi puis on essaye de vendre ça. C'est vraiment fait que, cool. Dans le fond, c'est vraiment cool. Les gars sont plus jeunes que moi. Je pense qu'ils ont 21 ou 22 ans, tu sais. Ça fait tout le temps bizarre de voir qu'ils s'intéressent aux jeux rétro comme ça. Ben oui, ça c'est une chose. Mais aussi, ce qu'il y a de bon, c'est que moi, j'ai vraiment pas un gros background de, mettons, Nintendo 64. Puis ouais. Eux autres, ils ont grandi avec ça. Là. Ah, c'est fait que là, eux autres, le GameCube, le 64, connaissent ça au max. T'sais. Moi, je les ai skippés, ces consoles-là. Okay. En revanche, ils connaissent fuck all à l'Atari, puis au Coleco, puis à la télévision, t'sais, ces affaires-là. Okay. Moi, je connais bien ça. Fait que, tu sais, nos expertises se complètent. Ah, c'est vraiment cool. Fait que c'est vraiment génial. Donc, Pascal, lui, est à La Chute. Marc, lui, est à Montréal. Puis tout est entreposé chez eux pas mal. Moi, j'en garde chez nous aussi. Fait que ça me prendrait quasiment un entrepôt. Là, ben oui! Hein? Parce que j'ai vraiment bien des affaires ici. J'ai une tonne de consoles à terre. Hey, c'est vrai qu'il y a du stock. Là. J'ai deux Genesis, un 64, un Coleco, deux Atari, un Sega Master System. Là, ici, non présent dans la maison, on a des GameCube. On a des super bons jeux. On a Wind Waker au GameCube. On a un Chrono Trigger complet avec la boîte, tout le kit. Vraiment un item de collection très puissant. Tous les gros RPG qu'on avait, on les a pas mal tous vendus. Final Fantasy, Secret of Mana. Mais tu sais, on a du stock là, puis c'est comme, on finit plus de prendre tout ça en photo, puis de coster ça, tu sais. Eh oui. Aussi, il faut qu'on fasse ça bien avec un document Excel, tu sais, les entrées, les sorties d'argent, tu sais, les profits, toute la patente. Fait que non, c'est vraiment comme, c'est sérieux là, souvent, là, il y a du roulement, tu sais, on a des grosses ventes, puis les gars sont des très bons chasseurs aussi, ça, c'était important pour moi, là, tu sais, d'avoir des gars passionnés, puis ils sont tout le temps à l'affût, tu sais, puis ils trouvent des bundles, tu sais, puis ils achètent des bundles à 500$, puis on revend ça, puis ils sont comme moi, dans le fond, fait que je suis bien content. Nice. Alors, vous pouvez suivre Pascal là, sur Twitter, @Poulain44. Et puis, si vous voulez suivre Marc-André Mayotte, c'est @RetroCase44. Tu vois, les gars, ils ont mis 44, les deux. Ouais, qu'est-ce qui se passe avec 44, les gars? Vous êtes pas nés en 44, putain? Ils trippent sur Stéphane Richer, tu sais. Ils sont assez tranquilles sur Twitter, par exemple, là, mais on va en entendre parler plus très bientôt. Génial. Je suis très content. C'est vraiment cool. Mm. Fait que vraiment, aussi surveiller les médias sociaux, encore une fois, parce que moi, quand je reçois, ici, j'ai un Intellivision, j'ai un paquet de consoles, puis s'ils peuvent partir rapidement, moi, je suis content, parce que ça libère de la place, puis je veux pas prendre tout ça en photo, tu sais, fait que c'est ça, là. Surveiller les médias sociaux, des fois, je fais des blasts, là, OK, à vendre telle affaire maintenant, souvent, ça part tout de suite, ou tu sais, comme, rester à l'affût comme ça, là. Fait que, voilà. Nice. Yeah. J'en profite pour repluguer clubgamer.ca. Absolument, absolument. En fait, je veux pas faire. Je vais revenir là-dessus. C'est pas. Ouais. J'ai parlé avec Max Tremblay aussi, tu sais, puis il n'y a pas de genre compétition ou whatever. Oh, non, je me spécialise dans le rétro. Je vends des jeux rétro. Club Gamer font de l'échange de jeux ou de la vente aussi. Mais de tous les jeux, puis des BD, puis des films, whatever. Fait que je jase avec, puis il n'y a pas de problème. Là. Ben même que je veux updater l'interface de Papa Cassette pour avoir une espèce de style Pinterest, là, comme le Club Gamer. Tu sais, fait que j'ai demandé à Max s'il pouvait des conseils, puis tout. Fait que tout est très cool là-dedans. Là. Nice. Fait que c'est pas une compétition, là, ben rien de tout ça. Non, il n'y a pas de compétition. De toute façon, le but, c'est juste de faire les bons deals. Là. Ben ouais, c'est ça. Moi, dernièrement, j'ai d'ailleurs fait un autre bon deal en échangeant Sleeping Dogs contre Darksiders 2. Ouais. Fait que c'est cool, ça marche. Sur Club Gamer, il y a une section recherche. Moi, je t'allais demander à matin, j'ai flashé, est-ce que quelqu'un aurait Black Thorn au Super NES? Et Colin. Et de suite, il y a Luc Perrault, je crois. OK. Moreau. Ouais, c'est ça qui nous suit. Lui, il l'a complet, là. Complet, puis tout, là. Bon, c'est un bel item, tu sais, ça coûte cher, tout ça, en tout cas. Mais tout de suite, quelqu'un m'a répondu, fait que je suis bien c'est content. C'est cool. Puis en checkant ça, parenthèse, j'ai vu que Black Thorn a été fait au Game Boy Advance. Hein? Savais-tu? Non. C'est fait, mon gars, puis je pense que ça a l'air d'être exactement la même version, là. Fait que je suis très tenté, là, parce que Black Thorn, c'est cool, là. Ben oui, c'est vraiment c'est cool. C'est vraiment cool, puis falloir que je trouve ça, là, t'sais, ça flash Black Thorn au Game Boy Advance. Mais hein, c'est une bonne idée. Ben, dans le fond, tous les comme Out of This World, ils étaient sortis au Game Boy Advance aussi. Ouais, parce que tous ces jeux-là, d'ailleurs, Out of This World, Flashback, puis Black Thorn, puis The Lost Vikings... C'est fait par Interplay et puis backé par Blizzard, dans le fond, dans leur temps. Fait que c'est pour ça que ça a tout ressorti, là. Donc, des jeux qui torchent. Des jeux qui torchent. Moi, j'ai été invité au dernier des podcasts. C'était leur Super Bowl. Pour Expendables 2. Il n'est pas sorti, cet épisode-là, encore, d'ailleurs. J'ai bien hâte pas encore. Ça. J'ai bien hâte qu'il sorte. On a eu bien du fun. On avait été invité. Il y avait moi... Il y avait Benoît Mercier des Mystérieux Étonnants. Il y avait Yannick Belzile de Trois-Bières. Puis il y avait Steve de la commission des Geekers. Ouais. Ainsi que ah c'est oui, ça. Steve! ouais, OK. Exact. Puis Éric Lafontaine de la commission des Geekers. Éric Lafontaine, que... Maxime Paiement. At Maxime Paiement. Ouais, at Maxime Paiement. Puis c'était super cool. L'enregistrement était vraiment le fun. Des bons gars. Puis ça faisait une bonne petite gang parce qu'on était... C'est rare, tu te retrouves dans une salle où tout le monde catch les références que tu fais. Parce qu'on a souvent des tics de références de films des années 80 ou justement de vedettes d'action et tout ça. Puis on est très alerte par rapport à tout ce qui se passe dans la pop culture. Fait que c'était le fun. On a vraiment eu du fun. J'ai vraiment hâte que ça sorte. Là, c'est où que ça se passait? Chez quelqu'un? Ça a été enregistré... Ça avait l'air d'une salle communautaire. Oui, ça a été enregistré chez Bleu Blanc Rouge, dans le fond, qui est le une agence de pub. Maxime travaille là. Okay. On a enregistré le podcast là-bas. Puis, c'était génial. C'était un peu écho, évidemment. Là. Okay. Mais c'est pas grave. C'était quand même cool. C'était une belle place. Puis en plus, moi, c'était juste à côté de Musique Plus. Fait que ils sont là, j'ai les pas autres. Eu long à faire. C'était juste à côté. Okay. Normalement, on enregistre, je pense, chez... Ça se passe chez Eric, D'habitude. Fait que c'est ça. Mais bon, là, ça s'est passé au centre-ville. C'était fantastique. Yes. Bien hâte que vous entendiez ça. À surveiller. Ouais. Et puis, grosse annonce la Wii U la semaine passée. Ben grosse annonce, présentation, présentation. Le prix, la date de sortie. Le prix, donc, ça match à peu près ce qu'on avait en tête. Comment est-ce qu'on se disait? 300$. Ouais, à peu près. 300$, c'est-tu le bundle? À 350$, c'est le bundle en noir avec Nintendo Land. Puis une recharge. Il est combien? Il est 50 gigs ou je sais pas trop. Ouais, il est plus fort, hein? Ouais, c'est ça. Il y en a un qui est plus. Je pense que c'est un 32 gigs, puis l'autre, c'est un 16 gigs. T'as besoin de recharge pour ta manette. Là. Ouais, c'est ça. T'as une recharge pour la manette. Ce qui a plus surpris, je pense, par exemple, c'est vraiment que Bayonetta 2 va être un exclusif à la Wii U. Eh oui. C'est malade, mon gars, la réaction qu'il y a eu sur Internet c'est par rapport fou, à ça. Il y a eu des menaces de mort, mon gars. Ouais, des gars qui veulent s'enlever la vie. Eh oui. Pour Bayonetta, tu sais, Bayonetta, franchement, là, on est chanceux d'avoir une suite parce que c'est un jeu qui a pogné, mais pas tant que ça. Puis les gens n'ont pas fait un plat de Bayonetta. Là, c'est vrai, ça a quasiment passé dans le beurre, tu sais. Ouais. Puis il y a plein de monde, plein de fanboys de Devil May Cry qui ont fait comme fuck that, je jouerai pas à Bayonetta, c'est un gros rip-off de Devil May Cry, tu sais. Ouais. Fait que moi j'ai pas compris quand c'est arrivé, c'était comme dirait, je me souviens, puis c'est qui disait ça sur internet, j'avais lu un article, j'avais mis ça sur retronouveau.ca, puis il disait on dirait que les gens ont juste un malin plaisir à détester Nintendo. Ah, c'est ouais. Comme si c'était une mode de détester Nintendo, de vouloir qu'ils se plantent tout le temps, tu sais. C'est ça. Pour une fois qu'ils font quelque chose en bonne direction, tu sais, là, c'est pas correct parce que là, c'est ça, Nintendo, mais c'est ça. Pas les autres. Anyway, comme ça disait aussi dans les commentaires en dessous, paniquez pas, là, un an plus tard, il va sortir sur les autres consoles. Exact, on le sait tout, tu sais. Probablement, là, tu sais. Les exclusivités, c'est rare, c'est exclusif maintenant, là, c'est rare que ça adresse une exclusivité bien, bien longtemps. Fait mais c'est un bel effort de Nintendo d'avoir des jeux, justement, tu sais, qui est pour les hardcore, là. Ouais, exact. Puis les autres, là, fait que moi, je trouvais ça très bien. Mais tu sais, Bayonetta, quand tu penses à ça, c'est Platinum qui est derrière ça. C'est hot, Platinum. Puis Platinum, c'est hot en crime, puis ils ont vraiment une bonne relation avec Nintendo, tu sais, juste quand tu regardes de Mysterious 101, je pense, le nom du jeu, maintenant, qui était Project 100. Ah ouais, ça s'appelle de même, maintenant? Ouais. OK. De Mysterious 101, puis moi, je peux te dire que j'ai trouvé ça très cool, puis c'est fait par la même gang que Beautiful Joe. C'est fait par Platinum pour Beautiful Joe. Puis tout ça, puis c'était trippant, ce jeu, là, pour l'avoir essayé pour vrai, là. Vraiment. Mais c'est ça, c'est une compagnie qui fait des bons jeux avec Nintendo, tu sais, Mad World, ça vient d'eux autres. Ouais, ouais. Puis, tu sais, quand vous parlez d'exclusivité, là... Ouais, absolument, Mad World, c'en est une. Mad World, c'en est une, puis la suite de Mad World, Anarchy Reigns, elle va être sur toutes les consoles, sauf la Wii U. Ah ouais? Fait qu'à quelque part, tu sais, c'est comme, c'est donnant-donnant. Ah, je savais là, pas qu'Anarchy Reigns, c'était la suite, par exemple. Ben, c'est comme la suite... C'est comme une suite spirituelle à Mad World parce que c'est les mêmes personnages que Mad World plus des nouveaux personnages. Okay. Fait que tu sais, le personnage principal, ça fait longtemps que j'ai joué là. Fait que je pense que c'est Jack son nom. Hey, c'est son bien original. Ouais, hein? Attends, là, faut que je prenne mon souffle. On va prendre une gorgée de bière. Fait que en tout cas, Jack, le bonhomme à Chainsaw, il est là-dedans, il est dans Anarchy Reigns puis c'est le personnage principal, tu sais. Ouais. Fait que c'est vraiment, c'est comme la suite de Mad World. Mais en tout cas, tout ça pour dire que la Wii U, bref, je sais pas, toi, est-ce que la présentation t'a convaincu d'en acheter une? Je n'ai même pas écouté la présentation. Ah, qui t'as pas écouté? Excusez-moi, les amis. J'ai lu les commentaires, j'ai regardé, j'ai vu le bashing. Ah, ouais. Mais la présentation elle-même, je ne l'ai pas écoutée. Là. Mais je l'ai vu en masse, les présentations de Wii U, puis je l'ai vu en vrai. T'sais. Fait que c'est ça. Assez, là, mais moi, je voulais une date, un prix, puis un line-up. Le line-up, pas si surprenant que ça, je dirais. Non, c'est ça, le line-up, moi... À part pour Bayonetta, bien sûr, mais le reste, c'est comme des affaires qu'on s'attendait. Mais surtout qu'ils disent, tu sais, le launch window, c'est vraiment, tu sais, la fenêtre de lancement, ce qui veut dire que c'est pas jour 1, t'achètes la console, puis il y a tous ces jeux-là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tous les jeux, les 50 plus jeux qu'ils ont annoncés, c'est des jeux qui vont sortir entre la sortie en novembre puis le mois de mars 2013. Ouais. Fait que c'est quand même un bon bout de temps entre les deux. Faut pas oublier non plus qu'il y a genre Funky Barn ou je sais pas trop. Ouais, ils ont mis ça. Des petits jeux vraiment ridicules là-dedans. Fait que c'est un peu... C'est de la triche, là. C'est sûr que c'est pas 50 là, killer jeux. Là, eh ouais, tu sais, Tokitori, là, c'est pas un jeu que t'achètes à... Ouais, Tokitori. T'as clitoris, man. C'est un petit poussin. C'est ça, non, mais t'as clitoris, c'est comme un espèce de petit jeu. Tu sais, tu payes ça une pièce là, sur ton téléphone, t'as du fun pendant deux minutes, puis après ça, tu passes à d'autres choses. Fait que, tu sais, je trouve que c'est un peu de la triche là, de montrer ces jeux-là, là, mais... Ouais. Anyway, c'est quand même intéressant. Moi, je trouve l'offre est intéressante. Je trouve que le prix est bon. Le prix est bon. Moi, je sais pas si je vais en acheter une. On dirait que je suis pas pressé. Ben, tu sais, moi, j'ai jamais été un gars pressé. Mais c'est ça, t'as jamais été un gars pressé, mais moi, je regarde l'offre de la 3DS comparée à l'offre de la Wii U. Ouais. Je te dirais que la Wii U m'excite plus que la 3DS. Ouais, parce que la 3DS, on avait moi, la 3DS, je trouvais ça dégueulasse au début. Là. C'était épouvantable. Ben trop cher, tu sais. C'était trop cher, puis il n'y avait pas de jeu. Parce qu'ils donnaient les jeux ambassadeurs. Sinon, j'aurais pas acheté ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais là, elle est vraiment rendue pas chère. Là, je l'achèterais peut-être. Ouais. Mais Wii U, ben, c'est autre chose, tu sais. C'est plus intéressant. Ouais. Là. C'est un autre manette, c'est un autre truc, tu sais. C'est... Oui, ça ressemble un peu à la Wii, pareil, là, puis c'est ça qui fait peur au monde. Là. Tout le monde se dit, bon, je me suis fait fourrer avec la Wii, je vais pas me faire fourrer avec la Wii U. C'est t'sais. Ça. Ça peut arriver, moi, je pense que ça ressemble beaucoup. Ça peut arriver, mais... C'est le même pattern avec Nintendo qui se répète toujours anyway, tu sais. Moi, ce que je pense qui va peut-être arriver, par contre, c'est que, tu sais, là, ils ont mis toutes les chances de leur côté en ayant un Pro Controller qui ressemble à la manette classique de PlayStation puis de Microsoft. Ouais. Fait que j'ai l'impression que ça va leur sauver des fesses. Ouais. Revenir à des contrôles plus... Tu sais, c'est une manette, là. Tu sais, c'est pas des contrôles de mouvement ni rien de ça. Ouais. Fait que je pense que ça, c'est un pas dans la bonne direction. Ce qui est peut-être moins un pas dans la bonne direction, c'est au niveau des jeux jusqu'à maintenant. Ils ont pas, jusqu'à date, prouvé à 100% que les third parties sont vraiment eux autres. Sont vraiment pas à 100%, mais il y a des efforts. Il y a des efforts. Il crée Zombie U, un Batman refait. Mais Zombie U, c'est Ubisoft. Hein, puis Ubisoft, ils ont tout le temps eu une super belle relation avec Nintendo. Fait que ça change c'est pas. Third party. Eh là, ouais. Tu mets third party, c'en est un. Là, non, c'est sûr, mais plus de jeux. Comme, parce que si tu regardes le line-up Ops, de la là, Wii... Ça va là, pas venir, ça, là, Black Ops, ça va venir, mais est où la campagne solo? On n'a rien vu encore. Okay. Fait que ça, moi, c'est des affaires, je t'avoue, qui m'inquiètent un peu. Puis ce qui m'a inquiété le plus, parce que moi, j'ai vu la présentation, puis ça a fini, puis j'ai fait comme, ben oui, je vais l'acheter, tu sais. Puis après ça, j'ai vu une entrevue que Reggie a faite avec Kotaku. Ouais, à la fin de l'entrevue, Kotaku lui demande... Là, on va mettre carte sur table, OK? Là, vous avez fait le lancement et tout ça. Puis moi, j'aimerais ça que vous me rassuriez qu'il ne se passera pas la même affaire que la Wii, que les third parties vont embarquer, que je vais avoir autant de jeux intéressants hardcore que sur les deux autres consoles. Parce qu'il dit, moi, j'achèterai pas Wii Sports, Wii Fit. Ça m'intéresse pas des jeux de même. Moi, je veux des vrais gros jeux. Puis là, Reggie répond, oui, mais on a Call of Duty. Il dit, oui, mais au-delà de ça, là, c'est le lancement. Est-ce que ça va aller plus loin? Est-ce que vous avez des plans dans le futur avec les third parties? Est-ce que vous avez sécurisé votre avenir? Puis lui, tout ce qu'il répond, c'est super flou. Puis après ça, il dit, on verra rendu là. Ouais. Tu sais, mais en même temps, que... ils peuvent pas avoir signé tout de suite là, des partenariats, je sais pas. C'est parce que Nintendo a un travail de rattrapage à faire pour ramener ces gros jeux-là. Ouais. Que les deux autres consoles, eux autres, c'est pas compliqué. Là. Quand ça sort la prochaine génération, ben, ils vont suivre, c'est certain. Mais c'est un travail que Nintendo faut qu'il fasse. Là, puis Reggie, je pense pas qu'il peut dire absolument, monsieur. On a déjà genre telle compagnie qui nous a promis que dans 2 ans, prochain. Whatever gros jeu de malade que vous voulez, on va l'avoir. Ouais. C'est sûr qu'il peut. Non, c'est sûr, mais peut-être de dire au moins, on travaille dans cette direction-là, c'est ça qu'on veut. Ouais. Ultimement, c'est ça qu'on veut. T'sais. Jusqu'à date, je sens pas ça chez Nintendo. Je sens plus un. Ben, non, je là, sens pas ça moi non là, plus. Là, là, on y va, là, on essaye, puis on n'est pas sûr. Ouais. Je suis pas sûr que ça me tente de changer les friend codes là, d'un coup que le monde aimerait ça. Je suis pas sûr que ça me tente d'aller online. Ouais, je suis pas sûr, tu sais. Juste l'affaire que les réseaux sociaux sur la Wii U, c'est les réseaux sociaux de la Wii U, que c'est pas Facebook et Twitter. C'est tellement fermé c'est sur. Tu sais, c'est. il y a un non-sens là-dedans que je comprends pas pantoute. Non, t'sais. Personne ne comprend ça. C'est ça qui est dommage. C'est un des grands mystères de la vie, c'est l'île de Pâques. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi tu comprends pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est simple, il me semble, à comprendre. C'est une logique pour n'importe quel gamer. Fait que je me dis, pour des gens qui sont aussi passionnés que les gens chez Nintendo, qui jouent à des jeux vidéo sans arrêt, c'est sûr et certain, c'est quasiment eux autres qui sont... Tu sais, c'est eux autres qui sont responsables pour ce qu'on fait aujourd'hui, tu sais. Puis là, maintenant, d'avoir ces genres de réflexes-là tout le temps, moi, ça me fait peur. Puis quand il y a des entrevues, j'ai tout le temps l'impression que... Il y a justement, il y a une retenue qui marche sur des œufs, puis qui sont tout le temps comme. Il y a une retenue de la part de Reggie parce qu'il n'a pas le choix, parce que c'est lui qui décide au Japon, tu sais, comment que ça va être fait, là, peut-être le Nintendo, là, tu sais. Mais peut-être que lui, il n'est pas d'accord, mais en même temps, tu sais, c'est son travail. Non, c'est son travail. De faire ça, tu sais. Mais moi, je pense qu'il y a comme des têtes en haut, là, qui sont dans le champ, tu sais. Mais c'est les boss, puis ils sont boqués, ils ne veulent pas changer d'idée, puis c'est le même, tu sais. Dans n'importe quelle entreprise, il y en a des patrons caves qui prennent des décisions qui sont bien... Ils lâchent pas, là, tu sais. Comme mauvaise décision, ils restent dessus par orgueil ou parce qu'ils sont juste aveugles, tu sais. Puis ça, c'est ça, là, tu sais. Je pense qu'il y a du monde en haut, là, que... C'est peut-être là qu'il vient le problème. T'sais. C'est sûr. Puis je m'ennuie du Reggie, tu sais. We're all about taking names and kicking ass, tu sais. Comme fuck, il est où, tu sais? Maintenant, il est rendu un peu plus blasé, comme il tient les bouts des doigts, puis il est comme ok, tu sais. On a vendu tant de Wii l'année passée, c'est ah fuck, tu sais, un peu de chien, tu sais. Comme vous êtes là, vous êtes badass, vous êtes là pour dominer, go, tu sais. Ouais. Mais c'est plus une attitude repliée, une attitude genre on essaye, on est tellement pas sûr de ce qu'on est en train de faire, mais. Achetez-en, tu sais, puis il donne pas cette impression-là. Pourtant, ce soir, à Monsieur Net, il y a eu une nouvelle que Ian Richards a nommée, puis c'était que la Wii U est sold out aux États-Unis. Déjà. Ouais, déjà. Ouais, en pre-order. Okay. Fait que, tu sais, c'est quand même bon. Ils vont en vendre. Tu sais, ils vont en vendre. Le problème, c'est pas la vente. En même temps, moi, avec, je vais en acheter. Je sais que je vais en acheter. Puis mais vous autres, à la maison, vous allez tout en acheter. Un jour ou l'autre, vous allez en acheter une. Mais tu sais, je veux juste pas qu'il arrive la même affaire que la 3DS. Ouais. Parce que moi je suis pas une référence. J'achète toutes les consoles. Fait que je suis vraiment pas une référence. Mais l'avantage d'acheter toutes les consoles, c'est qu'au moins, quand t'as pas de fun avec une, ben tu peux te rabattre sur un autre jusqu'à temps que le bon jeu sorte. C'est ça. Mais là, j'avoue que la 3DS, là, je suis tout le temps comme... Ça m'écœure parce que je passe du temps sur ma PS Vita. Là, je reviens sur ma 3DS, admettons, 3 semaines plus tard. Je regarde qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Ah, rien de nouveau. Ouais, mais là, c'est parce que tu vas trop vite, toi, là. Kingdom Hearts, là, ça vient de sortir, là. Toi, t'as fini ça en 2 jours, là, ouais, t'sais. Un gars normal qui a d'autres choses à faire, là. Je sais, mais c'est... C'est un jeu. Ça prend-tu un jeu par semaine? Il y a un bon jeu par mois. Tu sais, je suis pas pour commencer à jouer à My Baby Horse ou des affaires de même. Non, ça, t'sais. Je sais bien. Là. C'est, sur 3DS, il y a rien. Ah, je sais. Il y a tellement rien, vrai, man. Puis, tu sais, imagine, là, moi, sur 3DS, je ratisse large en tabarnouche, là. Tu sais, je veux juste un jeu. Tu sais, fait que là je vais le plus large possible. Tu sais, je vais même dans des coins où je vais pas normalement, tu sais. Mm-hmm. Puis, PS Vita. Je dis pas que c'est mieux, là, en passant présentement, les sorties de jeux. C'est de la merde, présentement, les sorties de jeux sur PS Vita. Il y a un gros ralentissement. Il y a plein de belles annonces, mais il n'y a rien. Ouais. Puis, t'achètes pas une console pour regarder ta console. Tu l'achètes pour jouer à des jeux. Tu l'achètes pour jouer à plusieurs jeux. Tu sais, si on regarde ce qui sort sur PS3, sur 360, on peut pas dire oui présentement. Mais si on regarde ce qui sort sur ces deux consoles-là, à toutes les semaines, là, même quand tu as un creux, il y a un jeu qui sort. T'sais. Ouais. Mais il y a du stock qui sort, puis c'est des jeux qui prennent du temps à finir. Mm-hmm. Puis sur 3DS, c'est pas des jeux qui prennent du temps à finir, puis c'est souvent des jeux qui viennent de Nintendo qui ont des bonnes notes. Les autres jeux, on dirait que c'est comme... Fait que Ben là, Castlevania va s'en venir, là. Puis Mickey Power of Illusion. Ouais. Ça s'en vient quand, ça? Ben c'est ça, moi, je les attends, je les veux tellement, ces jeux-là. Moi aussi. Personne n'en parle, man. Ben non, j'ai vraiment... En tout cas, j'ai vraiment hâte que ça sorte. J'ai vraiment hâte que ça se fasse. Puis là, en tout cas, on en parle longuement. Mais je vais acheter la Wii U. Toi, tu vas-tu l'acheter? Ben oui, mais pas tout de suite. comme beaucoup de monde, j'ai ouais. l'impression. Ben, je pourrais bien l'acheter tout de suite, là, mais c'est pas que j'ai pas le temps. Il faudrait que je joue avec ma Wii, t'sais, des choses à faire là, avec. Puis non, j'ai comme trop de rétro à clencher là, ces temps-ci. T'sais. Je me suis remis à mon PlayStation 3 un peu dernièrement. OK. Mais ça faisait longtemps, là, j'étais pas. Ah oui, crime, j'ai vu ça. T'étais pas connecté pendant un méchant bout. Ouais, ouais, c'est clair. Mais tu sais, j'ai des bons jeux de NES là, qu'il faut que je fasse. Là, puis bon. Ouais, je suis fait de même. Que veux-tu? Mais ouais, je vais l'acheter à un moment donné, là, ouais. Mais ça presse pas. Mais je pense que je vais l'acheter. Bon. Mais ça presse pas. Mais moi, j'ai l'air de chialer en passant, mais je suis vraiment excité par le concept de la Wii U. La machine, c'est vraiment intéressant. Là. Puis même la 3DS, c'est la même affaire. La machine, je trippe. Mm-hmm. La Wii U, c'est la même affaire. La machine me fait tripper. J'adore le concept, j'adore l'idée de la manette. Ce que tu peux faire avec, mais j'espère que les jeux vont être là. Ouais. C'est juste ça. Ben, en tout cas, pour nous réconforter, il y a une autre console ben qui va sortir. Puis ça s'appelle la Neo Geo X, mesdames et messieurs. Ça va être une console portable. Ben c'est comme vraiment le retour de la Neo Geo, ce qui est assez... Moi, quand j'ai vu ça, je trouvais ça magique, magique, c'était magique. Hein? J'ai jamais possédé de Neo Geo, par exemple. Ben ça, c'est comme plus... C'est comme te promener avec le cabinet d'arcade toi, là. C'est ça. Ben, c'est ça. Ben, j'ai vu qu'il y a un bundle Gold qui va coûter 200$. Puis là-dedans, ils vont avoir déjà installé 20 jeux. Là, j'ai regardé le line-up. Tu sais, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de fighters, je trouve. C'est ça. Neo Geo, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de fighters, dont The Art of Fighting, Fatal Fury, King of Fighters, puis Samurai Showdown. Ouais. Ça, c'est les plus gros. Puis tu sais, là, on s'entend, dans leur bundle de base, il y a Fatal Fury, il y en a deux, Art of Fighting, King of Fighters, il y en a sûrement plusieurs aussi. Samurai Showdown, il y en a plein. Tu sais, fait que c'est ça, là. Moi, c'est les quests que je veux. Ben moi, il y a Metal Slug aussi, que vous connaissez. Là. C'est comme le gros jeu Neo Geo, ça, le... Baseball Stars aussi. Tout ce qui était sur le NES, qui était SNK, c'est des jeux genre de Neo Geo, ça. Là, c'est, là, de la qualité, hein? C'est de la qualité. C'est de la qualité. Prisoner of War. Tout, là. Mais Ikari Warrior, c'était de la marde. C'était bon à l'arcade. Ça dépend lesquels. Il y en a des bons. Ouais, des bons. C'est ça. Troisième était cœur. Mais écoute, en même temps, c'est juste le rebirth, man, d'une console, tu sais. Puis elle est belle, la console. Ouais, belle. On dirait un genre de iPhone que tu tiens dans l'autre sens, un peu plus large, tu sais. Elle n'est pas twin stick à ce que j'ai vu. Non. Mais. Ouais, mais tu sais, c'est la Neo Geo, c'est ça. Je pense que non, là, d'ailleurs. Pas besoin. Fait que c'est un bel objet. Ouais. Tu te souviens-tu d'une date quelconque? Je me souviens pas de la date, puis je me souviens pas non plus si tu peux loader des jeux, genre si tu peux télécharger des jeux sur Internet. Pour ben, ils disent qu'il y en dessus. A 20 dedans, mais je pense que tu vas pouvoir en downloader. Il faudrait pouvoir en downloader. Pouvoir continuer à runner avec ça. Il n'y aura pas de jeu physique, à mon avis. Non. Mais malgré tout, écoute, c'est vraiment un bel objet. Là. Ouais. Ça, c'est le genre d'affaire, d'ailleurs, là, que ça sort là, tu sais. Puis peut-être ça va faire patate dans un an. Exact. Puis, personne ne va en vouloir parce que fuck off. Puis ça a été un beau trip. Merci, bonjour, on s'en sac. Puis, si vous en achetez une, checkez bien ça, genre dans 10 ans, ça va la monter, valeur là. De cette chose-là. C'est comme va le Game malade. Boy Micro, là. Le Game Boy Micro, mon Colin, gars, là, man, t'sais. J'en veux un, c'est rendu tellement cher. Hey, j'ai une collègue de travail aujourd'hui. C'est fou, hein. Je me raconte vite. On sort dehors, prendre une marche, elle me dit « Hey, toi, tu connais ça, les jeux vidéo? J'ai deux filles, il y en a une qui a un DS, puis l'autre, elle voulait en avoir un. Là, j'ai fouillé dans mes tiroirs, puis j'ai trouvé un genre de petit Game Boy, là, je sais pas quoi, là, tu sais, un Game Boy Micro. Oh, ouais, je pense que c'est ça. Puis là, ben, elle a un Game Boy Micro, puis sa petite fille joue avec ça, puis je suis comme « Hey! Ben, » J'étais comme « C'est-tu à vendre ou? Ah, non, elle joue avec. OK. Je peux-tu y voler? C'est ça. Il y en a des Game Boy Micro à quelques endroits comme ça, c'est fou, pareil, le monde ne savent pas. Mais ben écoute, ça vaut pas 400$ un Game Boy Micro. Tellement là, ça vaut 100$ là, à peu près. Mais ça vaut 100$, mais c'est quand même cher pour ce que c'est. Très cher. Ça joue juste les jeux de Game Boy Advance. C'est ça. C'est, t'es mieux avec un Game Boy Advance SP parce que tu peux jouer les jeux de Game Boy Color et Game Boy Original aussi. T'sais. Fait que t'es mieux avec ça. Mais tu sais, c'est juste un cool item. T'sais. Puis c'est très petit. C'est tellement compact. C'est compact au max. T'sais. Fait que tu peux te faire ça des petites games rapides là-dessus. Mais oui. De tous les bons jeux qu'il y a au Game Boy Advance. Il y en a vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Puis des très bons. C'est une très bonne console. Fait que c'est ça. Neo Geo X. Surveillez ça. Il y a un site web officiel. Toute la patente. Ouais. C'est très, très slick. Nous autres, ça nous fait chaud au cœur quand on fait des choses comme ça. Bon là, Bruno, je suis tout excité. Ouais, parce hein? que je vais parler d'un jeu, man, qui va certainement être dans mon top 10 à la fin de l'année. Yes. C'est encore un jeu portable, parce que moi, j'étais un gars qui se transporte très bien. c'est vrai que tu te transportes bien. Je me transporte bien. J'ai commencé à prendre le métro puis l'autobus. Même pas l'autobus, juste le métro, excusez. Ouais. Puis, fait que je joue beaucoup portable aussi ces temps-ci. Puis, il s'agit d'un jeu de DS. Oui. Ça s'appelle Retro Game Challenge. Yeah! Que tu connais parce que tu l'as déjà critiqué à ma lunette. Ouais, hein, ça ressemble au meme que Joël a fait de moi. C'est ça. Ah, lui! Oh. J'ai critiqué à ma lunette! Ben, c'est ça. Fait que c'est un jeu de DS. Je dirais que ça vaut à peu près entre 20 et 30 piastres. Vous le trouverez certainement pas neuf. Il est tough à trouver. Dans les magasins. Tu sais, les jeux de DS qui restent au magasin, ouais, là, c'est genre les jeux qui sortent encore. Ouais. Mais les plus vieux jeux, là, tu sais, de DS, moi, je vois jamais rien, là. Surtout que ça, je pense que c'est Exceed qui ont fait ça. Exceed Entertainment. Ouais, si je m'en voudrais te le dire. Mais, C'est Exceed qui l'ont publié ici, là. C'est pas une compagnie super populaire. C'est pas évident de pogner le jeu, là. Ben, je vais expliquer pourquoi aussi. Oui. Fait que c'est un jeu qui a été développé, en fait, par NDZero. Oui. Ça a été publié par Namco Bandai. Puis ici, en Amérique, c'est Exceed qui a amené ça, oui, là, finalement. Puis c'est sorti au Japon en 2007. Et puis en Amérique, ici, en 2009. Donc, c'est un jeu qui est basé, ben, qui a comme spectre de fond la télésérie qui s'appelle, japonaise, qui s'appelle Game Center CX. Oui. C'est connu dans le monde sous le nom de Retro Game Master. Yeah. Ça, c'est une série à télé, c'est un dude qui s'appelle, un japonais, Shinya Arino. Arino, qui joue à des jeux de Famicom, genre, puis à toutes sortes de jeux, des vieux jeux, tu sais, oui, au Japon. Puis, bon, là, je sais pas en quoi exactement consiste ces émissions. Il fait des défis. Il se fait des défis, hein? Oui. Il se fait des défis à lui-même. Exact. Il marque des scores, il essaie de battre ses records. C'est un méga pro, là. C'est, ouais, un super bon joueur. Puis, le show existe depuis novembre 2003, quand, oui, même. Fait que ça roule depuis un méchant bout. Il y a même 8 sets de DVD de disponibles au Japon de c'est ce show-là. Fou. Mais ça a passé sur Kotaku, ils ont eu une association. En 2011, ont eu le deal, ben, ils ont fait un deal pour passer en streaming les épisodes. Ça a duré juste un an, ça l'a arrêté tout de suite. Ah non, ça n'a pas levé pantoute. Moi, je l'avais écouté un épisode justement sur Kotaku. C'est rough. J'avais trouvé ça plate. Vraiment plate, là. Je comprends pas comment ça se fait que ça roule depuis 2003 au Japon. Les autres, ils trippent là-dessus. Mais tu sais, c'est ça, t'as bien du street cred quand tu dis que tu regardes ça, mais c'est un peu pénible à regarder. Ouais, là. C'est vraiment très pénible. Là. Ben, peut-être parce que c'est pas des jeux avec lesquels on a grandi, tu sais, les, ouais, jeux de Famicom, parce que oui, il y en a que c'est les mêmes que le jeu de NES, mais il y en a d'autres que non, tu sais. Beaucoup que non, en, ouais, fait. Ouais, c'est là. Ça. Puis tu sais, mettons des cassettes de 260 jeux ou bien de 700 jeux qu'on a ici. Ouais. La plupart des jeux crap qu'il y a là-dessus, mais ça en est des jeux de Famicom, ça, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est très basic, là, ces, ouais, jeux-là. C'est vraiment comme des sous-jeux de la NES, là, tu sais. Ouais. Ça exploite pas du tout le power, là, des machines. Fait que c'est ça. Mais pour ce qui est de Retro Game Challenge, donc l'histoire, en gros, c'est que cet Arino-là, il nous capture ou il nous envoie dans le passé. Ouais. Il nous envoie jouer avec lui à des jeux vidéo quand on était petit. Fait que là, t'as deux enfants qui sont effoirés à terre devant une Famicom, puis là, ils jouent à des jeux, tu sais. Puis là, ça retrace, dans le fond, toutes les années 80. Ça commence, mettons, en 80, puis ça finit en 89. Puis ça donne des jeux de toutes ces époques-là, dans le fond. Oui. Fait que là, ton premier jeu, c'est un jeu qui s'appelle Cosmic Gate. C'est vraiment comme Galaga. Tous les jeux sont des jeux style existants, oui, mais qui n'ont pas les mêmes noms, tu sais, ou qui sont tweakés, là. Fait que ça commence avec Cosmic Gate, c'est ça. C'est un shooter Galaga, vraiment basic de même. Puis lui, t'as 4 défis par jeu qu'il faut que tu fasses pour, exact, accéder au jeu prochain. Fait que l'autre jeu après, ça s'appelle Robot Ninja Haggleman, qui est un... C'est dur à dire. J'ai tellement eu de tough et j'ai tellement eu de misère. Il me faisait penser à Mappy, ce jeu-là, un peu. Ben, c'est comme le petit robot, il ressemble à Megaman au bout, là. C'est un... Ben, je vais continuer, je vais y revenir. Oui, oui. Après ça, t'as Rally King, c'est un jeu de course. Après ça, t'as Star Prince, qui est un shmup. Vraiment, là, genre le vaisseau, vu de dessus, le vaisseau va par en haut. Après ça, t'as Robot Ninja Haggleman 2, qui est vraiment juste la même affaire que le premier, mais avec plus de profondeur. Dans le fond, les tableaux sont plus gros. Après, t'as Rally King SP, qui est un genre de jeu promotionnel que genre, ouais. tu peux gagner, puis que là, notre petit buddy, il a gagné, fait que là, il veut qu'on joue, fait qu'on joue à ça. Après ça, t'as, je sais pas si on dit Guadia ou Gadia. Gadia, moi, Gadia je pensais, Quest. C'est ouais. un RPG. J'étais très surpris de voir qu'il y a un RPG au travers de ça. Très bonne c'est idée. C'est le bout du jeu que j'ai eu de la misère. Ouais, hein? Puis pour finir, t'as Robot Ninja Hagelman 3. Mm. Que là, c'est un total Ninja Gaiden, mais plus rapide, tu sais, mais avec des options en moins. Ouais. Fait que c'est ça. Ben, au final, je trouve, j'étais content, tu sais, oh, les jeux. Puis là, je regarde ça. Ouais, il y a 3 Hagelman, 2 Rally King. Ouais. Il n'y a pas une grande diversité tant que ça, tu sais. Mais c'est pas grave parce que faire des défis dans chacun des jeux est vraiment trippant. Puis là, ce qu'il y a de vraiment cool à ce jeu-là, c'est que ça, le petit body, il achète des magazines. Les revues, man. Les revues, c'est ça qui est cool. Genre le Nintendo Power. Ouais. Faut que tu ailles voir dans les revues là-dedans, il y a des cheats, des codes, puis des trucs pour t'aider à faire les jeux puis à relever ouais. tes défis. T'as pas le choix d'y aller, là. C'est ça, fois, c'est indispensable. Moi, c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'ils rendent la chose indispensable. Là. Tu peux pas le faire si t'as pas le truc. Là. C'est impossible. Puis dans les revues, il y a pas juste ça. Il y a aussi, ouais. y a pas juste les affaires straight to point. Il y a non. aussi des niaiseries qui servent à rien, genre le top 10 des ventes présentement. Puis là, ça, c'est très drôle parce que là-dedans, ils inventent des noms de jeux, genre Kung Fu Ninja 1, ouais. Kung Fu Ninja 2. Puis t'as une autre affaire, quelque chose, Rygar, tu sais, comme ils font juste mélanger des jeux NES existants au travers, tu sais, juste pour niaiser. T'as genre le directeur là, de la revue, le rédacteur en chef qui dit « Bon, ben, OK, cette semaine, on a ça, telle affaire. » Puis là, à la fin, mettons l'autre épisode d'après, l'autre revue d'après, il dit « Bon, j'ai quitté le magazine, désolé, on va faire d'autres choses. » C'est rempli de petites histoires. Là. La ouais. rédaction, c'est génial. C'est super génial. Comique quand tu prends le temps de lire ça. Puis t'as vraiment des trucs un peu partout, il faut que tu sois vigilant. Mais c'est pas trop lourd non plus. Tu sais, les magazines, ils ont genre 5-6 pages à peu près. Moi, j'avais peur de ça, être obligé là, de lire, puis chercher, puis me faire chier. Non, c'est juste assez pour te pousser à finir ton jeu, là, finalement. Oui. Puis, non, si t'es curieux, c'est quand même assez intéressant. C'est comme une espèce de mix entre les LGM et les Nintendo Power, tu sais. Ouais, les absolument. Années 80, c'est vraiment... C'est direct dessus. Ah, en plus, ouais. le graphisme et tout, là, c'est tellement ça. Là. Puis ce qui est très drôle en même temps dans toute cette histoire-là, c'est que les deux petits-enfants, ils jouent. Là, ouais. Des fois aussi, il faut qu'ils souffrent dans la cassette pour que ça fonctionne. Et tout, puis ils se jasent un peu, ils se posent des questions, ils déconnent. Mais aussi, ils sont comme « Hey man, j'ai acheté le nouveau Hagelman. J'ai un nouveau jeu qui s'appelle ouais. Hagelman. Je capote! » Là, tu joues à ça, OK? Après ça, il y a un nouveau jeu qui sort. « Hey man, Rally King vient de sortir. C'est fou. » Là, c'est comme « Fuck Hagelman. » Là, après ça, « Hagelman 2 vient de sortir. Man, on trip! » Ça te montre tellement à quel point, genre, les jeux vidéo, c'est comme... insipide. Ouais. c'est juste la consommation, tu sais, depuis toujours. Là, ouais. On joue à une affaire, après ça, on le sac. On le jette. Jamais joué à ça de notre vie, tu sais, puis après ça, oh, ça me prend l'autre, tu sais. Ouais. C'est vraiment ça, le feeling que j'ai vu à travers ça. J'ai trouvé ça très comique. Là. Puis, ben, je vais expliquer les jeux vite. Donc, Hagelman, c'est ça, c'est un petit robot qui jump sur les têtes des autres robots. Oui. Puis, il y a un système de portes pour les détruire. Rally King, c'est un jeu de course vraiment vu de dessus. Mm-hmm. Moi, c'était mon. C'est celui que j'aimais le moins. Ah ouais? Ouais. Okay. Faut que tu fasses du drift, là, puis tout ouais. ça. Puis, je pense que c'est pas acheté pas bon. Là, ah, je l'ai bien aimé. Moi, c'est parce que ça me rappelait un peu Spy Hunter. Fait que. Ouais, hein? J'ai bien trippé, là. Ça, ouais. C'était visiblement l'inspiration. Star Prince, qui est le shmup, était très mm-hmm. bien. Très répétitif, par exemple. Là. Vraiment répétitif. Je pense que c'est un genre de jeu que je serais capable de terminer sans faire de cheats, là, normalement. Oui. Puis, non, j'ai trouvé bien. Hagelman 2, ben, c'est la même affaire que le premier, sauf plus gros. Rally King SP, c'est la même affaire que l'autre, sauf légèrement différent. Oui. Mais il y a des pubs là-dedans, vu oui. que c'est un jeu promotionnel. Il y a des pubs de noodles. C'est très comique. Gadia Quest, c'est comme pareil comme Final Fantasy au NES, ah, tu sais. Fuck, man, j'ai tellement arraché. T'as 3 petits bonhommes puis tout, puis ils ont tous gardé les. Y a comme, c'est un peu compliqué les menus au début, puis tous tes items, ils ont des noms bâtards, tu sais, ouais. que tu peux pas savoir c'est quoi qu'ils font. Moi, ça me tue, ça. Surtout que t'arrives là comme en milieu de game, tu sais, c'est ouais. pas. Tu sais, t'as pas. Ben, tu commences au début, là. Le roi ouais. te donne ton argent, puis il faut que t'ailles faire tes affaires. Mais un des défis que t'as, c'est de te rendre, tu sais, aller buter le boss En fait, c'est le dernier défi, ça, je pense. Aller buter le boss dans le quatrième sous-sol donjon. Hey, il a fallu que je farme un peu pareil. Ben, anyway, ça a farmé tout seul parce c'est que j'ai tellement eu le temps de misère à me rendre. Moi, il fallait que je recommence tout le temps. Puis là, c'est comme un moment donné, j'avais tout ce qu'il fallait. Puis là, j'ai pu me rendre. T'sais. Ouais, ça a été long. C'est ça. Long, c'était long. Mais puis l'autre, le dernier jeu, Aggleman 3. Oui. Là, ça, c'est très intense. Là. C'est un platformer, Ninja Gaiden. Oui. Vraiment, tu tires de shuriken, tu donnes des coups d'épée. Puis c'est un bon système parce que Aggleman, c'est un robot. C'est un robot ninja. Oui. Tu ramasses des gears, des engrenages que tu mets dans ton chest. Puis chacun des engrenages, tu peux pas en mettre trop parce que tu n'auras pas assez de power. Puis chacun te donne un pouvoir spécial. Fait que ça, c'était un super bon concept. Ça pourrait être un vrai jeu, tu sais. Mais c'est ça, j'ai comme eu l'impression que... un peu, tu sais, c'est un labyrinthe, genre. Puis t'as de la misère, un moment donné, à t'en sortir. C'est super long. Puis t'as un code, tu sais, pour avoir des vies illimitées, je pense, quelque chose de même. Hey, je vois pas comment tu peux passer à travers ce jeu-là sans ça, là, parce que tu meurs, là, comme ça, pas d'allure, tu sais. Mais j'ai comme l'impression que c'est là-dessus qu'ils ont passé le plus de temps, tu sais, sur ça, puis le concept, là. Parce que moi, ça vraiment, ce jeu-là, quand je l'ai critiqué, tu sais, je l'ai fait au complet. Puis je me souviens que j'ai commencé, je tripais. Après ça, j'ai eu un bout où j'étais un peu carré parce que je trouvais que c'était tellement redondant, les jeux. J'étais comme, oh non, ils vont pas me servir une deuxième version, juste plus vite, plus d'ennemis. Ouais. Puis quand ça, c'est arrivé, ça a tellement fini sur une bonne note. J'étais comme, waouh, c'est malade, ce jeu-là, tu sais. J'ai comme eu le feeling quand t'es un kid pis t'as la nouvelle affaire qui arrive. Ouais, c'était du jamais vu, là, un jeu de même. Pis pourtant, nous, on a déjà vu ça, t'sais. On a déjà joué à Ninja Gaiden, là, t'sais. Mais dans ce jeu-là, c'est comme une nouveauté pis tu l'as, ce feeling de nouveauté-là, t'sais. Parce que t'as déjà vu deux autres jeux de Aggleman. Là, tu vois l'évolution, tu dis, waouh, quelle belle évolution! Eh oui. La musique aussi est badass dans ce jeu-là, t'sais. Pis, excusez-moi, j'ai fini ce jeu-là, moi, avec. Parce que, écoute, là, je pouvais pas m'arrêter de jouer. Là, je trippais bien trop. Oui. Puis ton dernier et ultime défi, c'est de terminer tous les jeux, tu sais. Là, tu sais, quoi? Faut que je finisse tout ça, tu sais. Juste le premier jeu de Galaga, Cosmic Gate, il y a 84 tableaux, tu sais. Qu'est-ce que je vais faire? Mais là, il te donne un magazine spécial, le dernier magazine. Oui. Et là, faut que t'ailles voir, tu sais. Parce que le quest, là, Guardia Quest, tu dis, mais là, je vais pas faire un quest au complet, tu sais. Ça va prendre 5-6 heures, ça. Certainement, faire ça. Mais non, il y a un genre de cheat, là, qui fait que tu peux aller une place, ouvrir une trappe, puis là, il te donne les crédits du jeu de suite, puis ça compte comme si tu l'avais fini. Fait que c'est réglé en 2 minutes, mais c'est bien fait. Parce que moi, là, quand j'ai su ça, j'étais découragé à mort. Ouais. Mais en ayant fouillé dans les magazines... Là, t'as vu le cheat comme « Yes! » Ben oui. Puis il y a des cheats que j'avais passés. J'avais laissé faire, parce que, tu sais, des fois, dans un magazine, ils te reparlent d'un jeu il y a 2-3 jeux, là, tu sais. T'es rendu à Aggleman 3, mais ils te parlent de Star Prince des fois aussi. « Ah, by the way, on a découvert là, que dans Star Prince, il y a tel truc. » Mm-hmm. Fait que tu refeuillettes tous tes magazines puis tu reclenches tous les jeux. Fait que c'est super trippant. Le générique à la fin, il est cool. Là. Faut que tu joues dedans. Là, c'est ça, la rédaction, c'est un jeu. C'est super. C'est vraiment trippant. Là, puis moi, quand j'avais peur, je me disais « Ah, oh, c'est tous des jeux rip-off. Ça va être de la merde. » Tu m'en avais parlé dans le temps. C'est un hommage très bien réalisé. Oui. Vraiment, là. Puis là, en plus de ça, il y a eu un teaser. Je sais qu'au Japon, il me semble qu'il est déjà sorti, mais le deuxième... Au Japon, le 2 est sorti en février 2009. C'est ça. Et puis, là-dedans, il y a des jeux de NES, Super NES, Game Boy, Game Boy Color, puis Famicom Disk System. Il y a 15 jeux dans celui-là. Fait que c'est vraiment... ça, il n'est pas sorti ici, mais si on se fie au premier, ça a pris 2 ans. Avant d'arriver ici. Ben, c'est écrit sur Internet, par exemple, que les gens de Xseed ont dit que le premier a tellement pas vendu en Amérique qu'ils vont pas le sortir en Amérique, le deuxième. Ouais, et là, je suis très triste. Qu'est-ce que vous faisiez, vous autres, bande d'auditeurs qui n'ont pas acheté ce jeu-là? Moi, j'avais donné une méga bonne note à Monsieur Net. Là. C'était tellement bon, ce jeu-là. Ah oui. Pis c'est bon, pis c'est drôle, c'est en barque, la musique est bonne, les petits bonhommes sont cute. Mais le concept est le fun, quelle bonne idée. Je trouve qu'il y a un bon concept avec ça, tu sais, toute la frénésie qu'on avait quand on était jeune, Internet n'existait pas, tu sais. Ben, c'est ça. Puis c'était, on sait seulement nos revues, puis on était en bas, puis tu sais, t'étais dans la cave avec ton Nintendo, puis t'étais comme... C'est ça qu'ils font, les petits gars, ils sont couchés à terre avec leur Famicom devant une TV, tu sais. Puis c'est vraiment... la mère l'appelle, « Hey, là, allez, arrêtez ça, tu sais. Oh non, maman, là, je vais continuer à jouer. » Ils appellent souvent ça « The Golden Age of Gaming », puis c'est vrai, c'est quelque chose qui reviendra jamais, ouais. Puis moi, c'est ça, c'est quelque chose que, veux pas, ce jeu-là, ça m'a remis un peu dans ce temps-là. Puis j'étais comme... Pis c'est ça qui fait un peu, justement, avec Rétro Nouveau puis le rétro gaming. Ouais. Ce côté-là du jeu vidéo, un peu naïf, sans aucun guide, sans rien, t'as juste toi puis le jeu, c'est fini. Ah, on c'est l'a fini. Plus. Non. Maintenant, dans tous les jeux, t'as un tutoriel au début qui t'explique qu'est-ce que tu dois faire exactement. Mm-hmm. Les bouclettes sont rendues minuscules. T'as juste un petit code en arrière pour downloader un skin ou quelque chose du genre. Ouais. Puis dès que t'as un problème, ça va sur Internet, t'as toutes les solutions, tu sais. Fait que ce côté-là, je trouve qu'ils l'ont tellement bien fait dans Retro Game Challenge parce que moi, c'est un bout qui me manque, tu sais. Ouais, ouais. Être obligé d'avoir une revue pour finir, pour retrouver l'affaire, échanger avec mes amis, tout ça. Fait que c'est... En fait, c'est de recevoir la revue par la poste, oui. Genre, puis d'aller voir tout de suite les codes, puis de trouver un code pour un jeu que t'étais pris dedans. T'es comme « Oh! Oui. Dieu existe! » Eh oui, c'est ça. Je savais qu'il y a eu un Nintendo Hotline un moment donné, tu sais. Puis il y a un gag là-dessus dans Retro Game Challenge sur le Hotline, puis ça coûte méga cher par appel. Je me souviens plus c'est combien, tu sais. Ah ouais, fait toutes les inside jokes, là, de Nintendo Power pis patente, il y en a des tonnes là-dedans, là. C'est super drôle. Ah, c'était cœur, hein? En tout cas, écoute, c'est un jeu super. Faut mettre la main là-dessus. Si vous voyez là. Ça, achetez ça tout de suite, là, tu sais, c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. C'est rare en plus, fait que moi je dis. Ouais, c'est rare. Si vous le trouvez, achetez-le, là, c'est sûr ça prend de la valeur. C'est là. Sûr que oui. Puis vous allez avoir du jeu longtemps. Puis Guardia Quest, là, si vous aimez les RPG, moi j'aime ça. Là. Mm-hmm. Je serais très tenté de le finir, ce jeu-là. Puis tous ces jeux-là que j'ai cheatés pour les terminer, j'ai envie de les faire pour vrai. Ouais. Là, c'était pour aller vite là, pour pouvoir en parler, mais les jeux sont assez bons pour avoir du plaisir, puis les faire pour de vrai, puis faire du free play avec. Ouais. Fait que t'as comme 8 jeux en un. Là, ah, c'est ça. Fait que c'est vraiment complet. Puis tu sais, j'y pensais, là, je savais que t'allais parler de ça aujourd'hui, puis je me disais, crime, pour faire un raccord avec notre dernier épisode, ça ressemble au jeu qu'on voulait faire de Rétro Nouveau, tu sais. Totalement. Ça mixe tous les genres, c'est un peu justement la nostalgie du temps. L'évolution, tu sais. Fuck, c'est vraiment ça, c'est Retro Game Challenge. Et à cause de vous, Nord-Américains de merde, on n'aura pas le deuxième en Amérique du Nord, fait que je suis triste. Honte à vous. Déçu. On s'en va en musique avec Pangarata, Red's Team de Locoroco sur PSP. c'est ma hell no On en parlait off micro. Ouais. Et puis, je veux juste faire un shout-out du plus profond de nos cœurs à Tribute Games. Oui. Des gars vraiment solides. Ils sont passés à Monsieur Net. Puis vraiment, je veux dire, c'est ce qu'on se disait, c'est que ils ont une niche, ils ont un style, ils ont une approche tellement intéressante aux jeux vidéo. Ça moi, s'appelle Tribute parce qu'eux rendent hommage aux jeux vidéo qu'ils ont aimés dans leur vie. Puis c'est un style effectivement très 8 bits, 16 bits, en tout cas. Oui. Moins de bits, ouais, que moins les de jeux récents. Puis c'est des jeux de même, ça me branche au bout. Ouais. Ils ont des bons concepts. Ouais. Ninja Senki, le premier, c'était ben ça, c'était vraiment un style Mega Man. Ouais. Mais Wizard mélangé du RPG puis avec un Brick Breaker. C'est ça. Puis là, Mercenary Kings qui ont réussi à ramasser 116 000 $ ils visaient 75. Ouais. Ils ont eu 116 000 sur Kickstarter. C'est phénoménal. C'est génial. Là, ouais. Un genre de Metal Slug, mais avec du customizing de down. C'est avec ça. Un soundtrack de feu qui va être fait par Patrice Bourgeot qui a fait notre beat. Yeah. Fait que, puis un très bon ami à moi. Écoute, c'est une belle compagnie. C'est une belle start-up. Puis moi, je veux les voir gros. Là, ah, vraiment? Ils ont un super beau créneau. Mais moi, je veux les voir grossir, mais je veux jamais qu'ils perdent l'essence de ce que c'est parce qu'ils ont bâti, je trouve, une marque, un look. Tu sais, il y a quelque chose, tu le sais. Un peu comme les jeux de WayForward. Ouais. Tu le sais quand c'est Tribute Games. Mm. Puis ça, faut jamais que ça se perde. Là. C'est tellement tight. Puis même, ce qui est chiant, dans le fond, c'est que Scott Pilgrim vs. The World, c'est pas un jeu de Tribute Games. Mais on pourrait dire que c'est un jeu de Tribute Games. Ben, Jonathan Lavigne, là-dedans, de Tribute Games, a travaillé là-dessus. Il travaillait chez Ubisoft dans le temps. Fait que, exact. C'est grâce à cette expérience-là que c'est Paul Tribute Robertson, Games, qui a aidé sur Wizard puis qui donne une méchante kick aussi à Mercenary Kings. Là, si vous ne connaissez pas, allez voir ça. Paul Robertson, tu sais, juste les boss qu'on peut voir de Mercenary Kings à présentement, des espèces de chiens japonais, même, qui crachent du feu puis des affaires fuckées, là, tu sais. C'est du Paul, là, 100 000 à l'heure, c'est juste trop génial, là, tu sais. C'est une belle association, puis... C'est magnifique. C'est très cool. Ouais. Très cool. Fait que bravo, Tribute Games, les boys. Continuez longtemps, puis on trippe. Rétro Nouveau approuve. Ouais, non, vous avez notre saut de qualité. Fait que moi, là-dessus, je vais vous parler de Zen Pinball 2. Ouais. Zen Pinball 2 est disponible gratuitement sur le PlayStation Network, sur XBLA. Puis on peut y jouer aussi sur la PS Vita. Ouais. Moi, je l'ai téléchargé, c'était gratuit! Hey, fantastique! Mais t'as pas grand-chose pour ta gratuité. Non, c'est là, ça, exactement. T'as 4 tables et puis ça se finit... T'as un meter, t'as du temps, je pense? Ou quand t'as plus de balles, t'es... Ben c'est ça, c'est les démos, à vrai dire. Ben c'est ça, c'est un démo. C'est que tu peux télécharger, il y a 26 tables qui sont jouables dans Zen Pinball maintenant, avec la deuxième version. Puis ces 26 tables-là, tu peux télécharger une démo de chaque table. OK. Fait que là, quand tu télécharges une démo, ça te donne la table, tu peux avoir l'expérience complète, sauf que t'as un timer. Ça va durer un certain temps. Mais moi, le démo de ça va arrêter. Zen Pinball 2 que j'ai téléchargé, c'est genre une 4-5 tables de Marvel. OK. That's it. OK. C'est tout. Mais bon. J'ai vu qu'il y avait plein d'autres tables de c'est Marvel. C'est ça, non, il y en a. Là, je me suis dit, attends, faut-tu que j'aille Zen Pinball 1, puis là, le 2, il est gratuit, puis c'est un update, tu sais? C'est ça, c'est que ce qui arrive avec Zen Pinball 2, puis moi, je me suis posé la question, puis j'ai parlé beaucoup aux gens de Zen Pinball qui ont été. Vraiment, vraiment phénoménal parce qu'ils ont répondu à vraiment toutes mes questions. Puis ils répondent à toutes les questions des fans. C'est des gens vraiment passionnés. Même chose pour The Pinball Arcade. Les fans de pinball, il n'y en a plus beaucoup. C'est ça. Fait qu'il faut se tenir. Hein? Exact. Faut se tenir, Colin. Tenez-vous écoute, tabarouette. Ouais. Fait que, tu sais, quand il y a quelqu'un qui pose une question, comme yes, oh, quelqu'un qui comprend, tu sais. Fait qu'ils ont répondu à toutes mes questions. Puis ce qu'ils me disaient, c'est que. ils mettent vraiment toutes les chances de leur côté. Fait que là, Zen Pinball 2, c'est comme l'arrivée de toutes les tables que t'as achetées avec Zen Pinball 1 ouais. sont toutes disponibles dans le deuxième. OK. Non seulement ça, si tu joues sur la PS Vita comme moi, parce que je trouve que la meilleure façon de jouer un jeu de pinball, c'est sur la PS Vita, personnellement. Mm-hmm. Puis parce que t'es prêt de la table, t'es prêt de ta boule, tu vois tout précisément maintenant. Tandis que quand t'as un certain recul avec ta TV 60 pouces... Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. T'as tout le temps de la misère à différencier la table de la boule. Mm-hmm. Je sais pas trop comment expliquer ça. C'est pas quelque chose qui se passe quand on joue avec une vraie machine à boule, mais faite digitalement, on a tout le temps un petit peu plus de misère à différencier les décors. Pis ça peut faire reculer certains joueurs. Moi, je sais que Zen Pinball 1, j'avais mes tables préférées sur grand écran parce que la table était plus foncée, il y avait moins d'éclairage de sur la table. D'éléments genre de chrome, tu sais, qui brillent. Moi, avec, il y a des tables, là, je suis complètement halluciné. Oui. Les tables plus qui ont moins de stock dedans, ça fait du bien. Mais tu sais, comme la meilleure table, si je voulais jouer sur un gros écran, la meilleure table, c'est la table de Blade. Ouais. La table de Blade, ça se passe souvent la nuit, fait que tout est fermé, tout est bleu foncé, puis t'as des petites lumières à gauche puis à droite, puis tu vois tout, t'as aucun problème. Mais la meilleure façon, vraiment, c'est sur la PS Vita, puis une chance, parce que, Colin, PS Vita, besoin de jeu. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est ça, mais bref, ce qu'ils m'ont dit, c'est que toutes les tables allaient être disponibles, puis à l'avenir, ça va être comme ça. Ça va être à toutes les fois que tu fais un achat, que ce soit sur PS Vita ou PS3, ouais. Il va être disponible pour les deux plateformes. Ça, c'est cool à Zeiss. Ça, c'est vrai. C'est cool à Zeiss, man. En parlant de cool à Zeiss aussi, il y a une table Plants vs. Zombies. Oui! C'est cool, ça. C'est précisément de ça que je veux parler à soir, parce que je vais parler très rapidement, parce qu'il y a 26 tables dans le jeu. C'est quand même pas rien. Là. 26 tables de disponibles. Disons-le, parce qu'ils sont pas dans le jeu. Quand tu arrives dans le jeu, je veux dire, tu les as pas. Là. Faut que tu les achètes. Comment ça coûte une table, mettons? Une table, c'est souvent 2,49. Okay. Mais il y a des packs de tables qui te donnent pas vraiment un meilleur deal. Parce que tu as 4 tables pour 9,99. Okay. Même que, à la limite, j'y pense, là, pis c'est plus cher. Tu te fais voler comme 4 cents, même. C'est parce vrai. Que 2,49 x 4. Disons 2,50. Ouais, mais c'est pas 2,50, t'as ta scène, man. Ah, ben là. Fait que là, 2,50, t'as ta scène. Ça serait supposé d'être 9,96. Ouais, Colin. C'est vraiment n'importe quoi. Hey, ça. Mathématiques c'est à 10h36. Les génies du marketing qui travaillent chez Zen Pinball. Quelle bonne idée. C'est n'importe quoi, Colin. Aux armes. Non, mais c'est ça. Fait que bref. La table de Plants vs. Zombies, c'était comme la table mystérieuse que Zen Pinball avait annoncée. Elle avait dit, on a une table de PopCap qui s'en vient. On vous dit pas c'est quoi, on vous dit pas ce qu'elle joue. On aurait pu penser Zuma, hein, vu que ça joue avec des boules. Là. Exact, ouais, ça aurait pu être ça. Mais là, c'est Plants vs. Zombies. Puis quelle excellente table. Là. C'est vraiment... Ouais. J'espère qu'il y en a d'autres qui vont prendre l'exemple, là, parce que c'est vraiment le fun. C'est une table qui a de la place, qui est bien aérée. Chose qui est quand même difficile dans un jeu de pinball, parce que souvent, ce que les gens ont tendance à faire dans le design, c'est qu'ils mettent trop de choses bien paquetées. Fait que ta boule se retrouve tout le temps dans un endroit caché derrière des espèces de petits bumpers. Là, tu vois pas ce qui se passe avec ta boule. T'attends, ça fait... Là, soudainement, c'est pas elle arrive super vite. Oh, oh, t'es mort. C'est comme... Là, des fois, t'as un bon save. Mais là, c'est pas le cas. Fait que... Dans Plants vs. Zombies, il y a des zombies qui sortent de la terre. Il y a plein de choses qui se passent autour de l'écran. Il y a une espèce de méga zombie derrière. Ouais, les rampes, il y en a, mais il n'y en a pas trop. Ouais. Il y a trois paddles. Il y a trois flippers. Fait que ça, c'est super intéressant. Quand il y a plus que deux flippers, là, man, t'es en business. C'est tout le temps les mettez-en des cool. flippers. Mettez-en des flippers. Puis à la limite, là, tu sais... Faites comme les plus vieilles machines d'arcade où t'avais deux flippers en bas, t'avais un flipper à gauche, pis là, des fois, tu te rendais dans une zone spéciale, deux autres fucking flippers en dessous de la table. Ça, c'était cœur, ouais, fait que, bref, là-dedans, t'en as des flippers, pis t'en as des zones spéciales, t'as plein de missions à faire dans celle-là, Plants vs. Zombies. Puis ça m'a fait penser à un jeu que t'as critiqué dernièrement, Mario Pinball Land. Ouais. C'est le même feeling de choses que ça se pourrait pas vraiment dans une vraie machine d'arcade, dans une vraie pinball, mais là, ça se peut, tu sais, t'as des ennemis qui arrivent, qui avancent ouais, vers toi. Ouais, il y a des choses. Ta balle, elle se fait téléporter à une autre place. C'est ça. Dans un autre micro-jeu. C'est un peu comme... Non, ça serait peut-être un peu plus comme Metroid Pinball, parce que t'as des ennemis qui arrivent devant toi, puis ils mélangent vraiment tous les éléments qu'il y a dans Plants vs. Zombies, fait que les plantes, les fleurs qui pitchent des soleils un peu partout. Ouais. Tout est là. Vraiment, c'est Plants vs. Zombies résumé dans une machine de pinball. Fait que je vous dirais que la première table à vous acheter, définitivement Plants vs. Zombies, vous allez avoir un fun noir, c'est écœurant, là. C'est tellement le fun. Ouais. C'est vraiment une bonne machine. Puis sinon, dans mes tables préférées, les tables de Zen Pinball, que l'or est comme moyen, okay. C'est des tables qui sont super le fun. Okay. Ils sont juste pas super belles, tu sais. Ah. Mais les tables sont vraiment le fun. Parce que là, moi, dans mon démo, c'était juste des tables de X-Men puis de Marvel. Il y a eu Marvel. Ça m'emmerdait un peu. J'aurais aimé ça jouer à la table de whatever, là, ouais. Le roi de cartes, style. Ouais. C'est une table avec des jeux de cartes dessus. Là, non, c'est ça. De quoi de basic, là? Ben, c'est ça. Il y a comme le premier pack qu'il y a eu de ben, dans le fond, ce qui était Zen Pinball 1, c'était V12, qui est des chars. Shaman, qui est une espèce de tribu cannibale. Okay. Chimel. Une tribu de Chimel. Shiman. Ouais, c'est ça. De Iman. Shiman. Shira. Y a Eldorado, qui est un genre de rip-off d'Indiana Jones. Puis il y a Tesla, qui est un genre de cyberpunk. De c'est un groupe de musique. C'est ça, c'est une table sur Tesla, that's it. Alors ouais, un genre de cyberpunk quand même. Ouais, ça, un genre de cyberpunk, un peu Thomas Edison, puis dans ce temps-là, puis toutes les inventions, puis tout. Fait que tu sais, t'as un côté vraiment intéressant visuellement, c'est super beau, les rampes, puis tout ça, c'est vraiment génial. Je veux dire, c'est eux qui maîtrisent vraiment leur technologie, fait qu'ils font pas un hommage à personne, ils essayent de se créer leur propre table. Ça fonctionne à merveille tout le temps. Les autres qui ont sorti, les plus récentes, sont Epic Quest et Sorcerer's Red. Sorcerer's Lair. OK. La misère avec mon anglais. Puis Epic Quest est la meilleure des deux, qui est un peu un genre de c'est une table de chevalier, mais un peu plus pittoresque. Okay. Les rampes sont excellentes, les bonus sont excellents. Vous allez monter de niveau en niveau pas mal plus facilement qu'avec une autre table. Vous allez avoir énormément de fun. Sinon, eux autres, ils ont Paranormal, Mars, Excalibur, puis Earth Defense. J'ai les ai presque tout essayé, mais malheureusement, je les ai pas tout essayé. Mais vraiment, je peux vous assurer qu'Epic Quest, c'est pas mal dans le top là, de ce qu'eux autres ont fait. Okay. Sinon, dans les hommages, ils ont Ninja Gaiden 2, que j'ai, qui est vraiment excellente et vraiment super bonne. Puis, ils ont Street Fighter 2. Mais je dirais que Street Fighter 2 est la meilleure des deux. La seule affaire qui m'a dérangé dans celle-là de Street Fighter 2, c'est l'art. Visuellement, c'est pas le même art qu'on est habitué de voir dans les Street Fighter, un petit peu plus cartoony, tout ça. Ouais. On dirait que l'art a été fait par un des gars chez Zen Pinball, puis il est pas super. Il est pas génial, mais les tables sont bonnes, mais l'art est jamais super. Fait j'aime mieux quand c'est des gens de justement comme Marvel, ils en ont une tonne, puis ceux-là de Marvel, ben c'est vraiment spécifique au artwork de Marvel. Sinon, dans Marvel, il y en a une méchante gang. Ouais. Les premières que vous allez trouver, les premiers packs qu'il y avait eu dans Marvel Pinball, c'était Blade, Iron Man, Wolverine et Spider-Man. Si vous voulez ma meilleure là-dedans, je peux vous le dire tout de suite, c'est Iron Man, parce qu'Iron Man, tu peux débarrer des missions très facilement. Okay. Les missions sont pas faciles à faire. C'est quand même assez difficile. Puis sinon, Blade aussi est assez excellente. La table de Wolverine est vraiment poche. Puis ça me fait chier parce que c'est mon meilleur super-héros. Tu vois, moi, je suis content que celle de Blade elle soit bonne parce que j'aime Blade parce que c'est un underdog. Puis personne ça. L'aime. Fait qu'au moins, là, il chaîne en quelque part. Ah, il chaîne, man. D'ailleurs, Blade a passé à TV il n'y a pas longtemps. J'ai bien aimé ça. Nice. Puis en plus, Krim, pour faire un autre accord, Sylvester Stallone a dit en entrevue qu'il voulait pour Expendables 3. Wesley Snipes? Oui. Ah ouais? Il a dit, dès qu'il va sortir de prison, Wesley, il va avoir besoin de cash, fait qu'il va venir dans mon film. Hey, c'est clair que oui. C'est sûr. Fait que sinon, t'as Moon Knight, Thor, X-Men et Ghost Rider. Ça, c'est quatre autres tables qui sont sorties ensemble. Oui. Celle-là de X-Men est excellente. Celle-là de Moon Knight, j'ai commencé à jouer, je t'avoue, j'ai un peu de misère avec, mais pas à cause que la table est pas bonne, à cause que je suis vraiment pourri dans cette table-là. Okay. Puis il faut que je m'améliore. Thor, j'accroche pas encore, ça va peut-être arriver. Puis Ghost Rider est quand même bonne. Captain America, excellente table, qui est juste achetable tout seul. Puis ça te donne une idée aussi. Quand une table est achetable tout seul, c'est ça veut dire qu'il y a beaucoup de temps et d'énergie qui a été mis dedans. Quand ils vendent ça en pack, il y a tout le temps un certain doute à avoir. La plupart du temps, il y en a une des quatre qui est pas super bonne. Comme là, le dernier pack que je vais nommer, c'est des séries qui ont rapport aux Avengers. C'est des Avengers Chronicles. Moi, c'est ceux-là que j'ai essayé. Et voilà. Fait qu'il y a The Infinity Gauntlet, Fear Itself, World War, c'est World War Hulk, partie, c'est plus Hulk, puis The Avengers. Ouais. La meilleure. Il y en a une que c'est Thanos, là. Oui, c'est vrai. Je me rappelle plus c'est quoi le titre dans ce que tu viens de dire. C'est Fear Itself. OK. Moi, je l'ai trouvé pas. Ben, elle était plus simple que les autres. Oui. Les Avengers, je l'ai trouvé vide, étrangement, là. Il n'y a pas grand chose dedans, c'est vrai. Non, c'est ça. Il y a juste des grands corridors vides, je sais pas quoi. Mais celle-là de Thanos, c'est celle à laquelle j'ai joué le plus. OK. Sinon, l'autre, c'est quoi? Donc, c'est Galactus. Sinon. C'est ça, j'ai la misère à différencier Infinity Gauntlet et Fear Itself. Je me mélange, là, tu sais, je connais pas là, ces bébites-là, là, mais en tout cas. Mais il me semble que c'est ça, c'est Infinity Gauntlet que t'as Galactus pour toute la gang. Okay. Mais ça, c'est l'affaire qui arrive, c'est que des fois, ta table semble vide. Ouais. Puis plus tu réussis à faire des combos et à débarrer des affaires, parce que tu peux aller dans les instructions puis aller chercher... tu sais, c'est quoi les instructions de la table? Comment me rendre à tel bonus? Ouais. Ça, c'est important de le faire si tu veux vraiment accéder à quoi de plus haut. Ouais. Par contre, moi, je reproche un peu à Zen Studio de ne pas avoir fait des vidéos pour nous pauvres là, gamers qui n'avons pas de temps et qui veulent pas lire. Moi, quand j'ai vu ça, d'ailleurs, je suis pas allé lire. Pas exact. Du texte, là. J'ai fermé ça et j'ai continué ma game. Exact. J'ai commencé à lire à mon écran. Là, c'est tellement 1983 DOS. On parle de Retro Game Challenge, de la lecture, là, mais c'est comme autre chose. Là c'est comme tu es dans le feu de l'action, tu mets sur pause, tu vas aller lire une affaire en blanc sur noir. Non, fuck off. Là. Non, surtout pour une machine à boules, il me semble. C'est pas, c'est pas nécessaire. Faire ça pour une machine à boules. Si je joue à des machines à boules, c'est pour pas me casser la tête. C'est ça. Là. Exact. Puis, je voudrais dire, il y a beaucoup de monde qui m'ont posé des questions sur les machines à boules, qui m'ont dit « Bruno, je suis pas bon, je réussis jamais les machines à boules, tout ça. » Sachez que le meilleur truc pour jouer à une machine à boules, c'est d'apprendre à maîtriser d'apprendre à maîtriser ton paddle, c'est-à-dire ton flipper. Parce que le flipper, chaque centimètre de ton flipper, si on pourrait dire, plutôt envoie la boule à une place précise. Exact. Puis dès que tu arrives à trouver c'est quoi l'angle exact, tu vas devenir un pro. T'sais, tu vas mourir souvent dans les premiers shots. Tu vas apprendre une table, mais tu analyses la table, tu l'examines, puis tu y arrives. Puis un moment donné, là, ça devient quasiment un réflexe. Là. C'est rendu un moment donné que tu as un multiball dans n'importe quelle table, puis t'es rendu là que il y en a qui ont des multiballs de fou que les balles arrêtent pas d'arriver, puis t'en as 9 un moment donné, tu sais. Okay. Mais des fois là, t'es rendu tellement pro que tu regardes même plus tes pads là en bas là, ouais, c'est comme moi là les flippers fuck that, je regarde plus, puis tu sais exactement où t'envoies tes affaires puis dans quelle rampe t'es envoies, fait que c'est vraiment la base de la machine à boules. Là. Dès que tu apprivoises le flipper, puis tu apprivoises aussi la force à laquelle tu pèses sur ton bouton, si tu appuies vraiment rapidement, tu vas avoir un meilleur coup. Si tu appuies lentement, tu vas vraiment avoir une différence. Puis c'est d'où l'importance là, vraiment de frapper comme du monde quand tu veux vraiment l'envoyer straight en haut. Parce que des fois, il y a des pentes dans les rampes qui s'en vont vers le haut de la table, comme dans celle d'Iron Man que j'adore. Faut vraiment que tu l'envoies dans le tapis là, pour que ça en aille en haut. T'sais. Fait que il y a des petites techniques comme ça des machines à boules. Fait que c'est ça. Si vous écoutez encore parce que vous aimez les machines à boules, ben tant mieux pour vous autres. Puis si vous écoutez pas, ben il y a de quoi de mieux dans tantôt là, dans pas long. On s'en va en musique avec Cool Spot au Genesis, la toune qui s'appelle Rave Dance. Non mais cool ta toune. Discussion ce soir. Ouais. Des conditions idéales pour jouer à un jeu. Ouais. Là, je trouvais ça très bizarre, moi, comme call. Ouais, tu m'avais pas compris, vraiment. J'avais pas trop compris. Parce que ça prend. C'est quoi une condition idéale pour jouer à un jeu? Mais moi, ce que je voulais dire, c'est vraiment, c'est ça. C'est. T'as-tu un rituel? À quelle heure tu joues à un jeu? Dans quelles conditions? Qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce que tu manges? Est-ce qu'il faut que ta blonde soit là? Est-ce qu'elle est pas là? Est-ce que tu joues avec tes chums? Tu joues pas de chums? En ligne? Ligne? Tu sais, il y a plusieurs conditions pour jouer à un jeu. Puis moi, je sais que j'ai mes conditions idéales, tu sais. C'est quoi tes conditions idéales? Là? Mes conditions idéales. Écoute, moi, là, mes meilleures conditions, c'est... Il pleut. Ouais. Il est 7h30, puis ma femme puis mes enfants ont décidé d'aller se coucher parce qu'ils sont brûlés solides. Mais toi, t'es top shape. Moi, je suis top shape. T'as une journée tranquille à l'ouvrage. Puis je me suis couché tôt la veille. Vraiment tôt la veille. Puis là, le lendemain, je suis top shape. Là, y a pas de lendemain possible. Oh ouais. Fait que là, je suis top shape. J'ai un nouveau jeu. Fait que là, écoute, la fonction idéale, c'est il pleut dehors. C'est le soir, je suis top shape, puis en plus de ça, il me faut le kit du gamer que j'ai inventé conjointement avec Sébastien Houd, qui est de Boulevard Brutal. Seb Brutal de Boulevard Brutal. Moi, je l'ai vécu, votre kit de gamer. Eh oui. C'était génial, explique-nous ça. Notre kit de gamer, man, c'est écœurant. C'est qu'on a tout le temps un mix, ok? On a tout le temps Doritos puis d'autres chips. Puis t'as deux bols en avant de toi, mais t'as un troisième bol. Le troisième bol, c'est de l'eau chaude, légèrement savonneuse, avec une serviette mouillée dans le bol et une serviette sec à côté. Fait qu'avant chaque round ou avant chaque n'importe quoi, on se pogne nos chips, on fait nos affaires. Après ça, on se nettoie le bout des doigts, mon gars, puis on sèche le bout des doigts, puis on est correct pour notre game. Trempe les doigts dans la petite guenille, après ça, essuie le bout de tes petits doigts sur la petite serviette, et c'est réglé. C'est génial! La serviette est là pour toujours. tu peux manger at will, là, t'sais. C'est ça. Ou tu manges le bout des doigts, là, par exemple. Ouais. On pas une poignée, là. Non, là, non, ça non, ben non, ben non. Là, si tu fais ton elle gros port, c'est là. Différent, là. C'était non, il y a une certaine éthique, là. Quand t'es raffiné comme nous autres, ça fonctionne bien. C'est parce qu'il n'y a rien de plus plus désagréable que de jouer sur une manette avec des bouts qui glissent. Hey, ou tu dis, toi. T'as besoin de torque, man. T'as besoin de tenir le tes affaires. Oui. Pouce, là. Si ça glisse, là, ça marche. C'est pas important, tu sais. Ouais. Même si c'est des manettes de NES, man. Il y a beau avoir un creux d'un bouton. Ah, non, non. Si il est greasy ton doigt, tu vas passer tout droit, mon gars. Track and field, va-t'en à la maison, man. Tu réussiras jamais. Fait que c'est ça, fait que bref, on a inventé ce kit-là. Fait que moi, j'ai besoin de ce kit-là parce que j'ai besoin d'un snack. Ouais. Souvent, je vais avoir de la bière, mais j'avoue que quand je suis seul, ça m'arrive souvent quand je suis seul de pas avoir le goût de prendre une bière. Puis, tu vois, moi, c'est le contraire. Moi, tu vois, quand je suis seul, j'aime pas ça boire seul, tu sais. Je trouve ça triste, je suis comme, je bois seul, tu sais. Je vais me coucher tout à l'heure, je vais être tout massacré, puis je vais être comme... seul, puis je demain matin je vais me réveiller seul. Puis demain matin je vais me réveiller, tu sais, ma blonde va être top shape, puis moi je vais être barré, je vais chier de l'eau, tu sais, ça va être épouvantable. Fait que moi j'aime ça avoir un bon drink, quelque chose de bon. Je suis un grand amateur. Un Perrier au pamplemousse. Là. Non, je suis un grand amateur de jus. Oui, c'est vrai. Toi, t'aimes bien la nane et les affaires sucrées. J'aime ça, les affaires sucrées, man. Fait que là, moi, je me pogne un bon jus, tu sais, quelque chose de fiable. Puis, je me pogne des chips, mon kit de gamer. C'est le soir, il pleut, puis je suis top shape. Puis, à part de ça, faut que j'aille aussi, important, les conditions. Faut que j'aille des pantalons slack. Oui. Pantalons très slack. Faut que j'aille un t-shirt très slack. Puis, souvent, même, j'ai mon petit rituel. J'ai mon t-shirt, non. En dessous de tes pantalons. C'est pas des bobettes, man. J'ai tellement de misère à pas mettre de bobettes en dessous de mes pantalons de nu. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Ma blonde vient de passer dans la cuisine avec un sourire. Aïe, aïe. Ouais, c'est ça. Elle pourrait témoigner que moi, j'ai jamais de bobettes dans mes pantalons de nuit. Simonac, ben, en tout cas, là, tu viens de témoigner devant tout le Québec et l'Europe. Tout le Québec et l'Europe. Et la France, on va dire, pour plus tantôt. Mais moi c'est ça, c'est tant qu'à être dans le sujet, je sais pas avoir de bobettes, ça me rend horny. Fait que pas le goût d'être horny pendant mon gameplay, tu sais. Ouais, je comprends ça. Fait que tu sais, c'est ça, ça peut être dérangeant durant une game, tu sais, faut que j'aie bien que j'aie une place pour mettre ma manette, tu sais. Ouais. Fait que bref, c'est ça, tu sais. Fait que finalement, puis j'ai même mon kit, man. J'ai un t-shirt de Mega Man que je porte dans les grandes occasions de gaming avec des pantalons de Pac-Man. Ah ouais? Fait que là, je porte ça, man. Je suis seté. Wow. Le chauffage est juste à la bonne quantité. Tout est correct. Je suis dans mon couch mou. Mais mon couch, je l'avance vers la télé pour être à peu près à 1 mètre de ma TV. Puis je m'arrange tout le temps pour avoir un pouf pas loin parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que de s'asseoir dans la même position que tu as été assis pendant toute la journée devant ton ordinateur. Fait que moi, je veux être allongé, puis j'ai pas de aileron chez nous, j'ai pas de lazy boy, fait que j'utilise un pouf, puis dans des situations vraiment extrêmes à maison, je joue debout. Ok. Quand c'est rough dans un jeu, moi, man, je me lève. Ouais, c'est drôle, ça. Quand c'est vraiment tough, là. Moi, je joue, mettons, assis sur le bout de mon banc, là, tu sais, comme concentré, quand c'est tough dans le jeu, parce que j'ai de la misère à m'évacher sur l'ordinateur, tu sais, trop... voyons, qu'est-ce que je dis là? Hey, je travaille tout sur mon ordinateur. C'est dans mon divan, trop évaché, là, je suis comme pas capable. C'est faut que je m'assoie comme plus sérieusement, comme un peu plus droit. Si j'avais un LRM, mettons, comme tu dis, je serais jamais capable de jouer évaché de même. Ah, moi, il est tout mou, mon gars. C'est comme une gang de nuages, mon couch. Si je joue à Plants vs. Zombies, oui, tu sais. Si je joue à Vanquish, non, tu sais. Faut que je sois assez plus carré et que je check mes affaires comme il faut. Sois alerte. Ouais. Mais moi, j'ai pas de kit, là, je me rends compte. J'ai pas de... Tu sais, je joue... Mais moi, je te parle des conditions idéales. Là. Je te dis pas le day-to-day. Tu sais, ça m'arrive... T'as pas ces conditions-là à tous les soirs. Là, c'est ça. Ça m'arrive un soir, juste, tu sais, je suis dans mon kit, puis j'ai mon verre d'eau, puis tu sais, je viens de manger du poisson, puis c'est that's it. Il y aura rien d'autre, tu sais. Ah, moi, mon kit, écoute, premièrement, pantalon de pyjama. Commando en dessous, parce que je suis toujours commando dans mes pantalons de pyjama. Camisole, tu sais, parce que j'ai des divans en cuir, fait que je veux pas que mon dos colle dans le cuir. Ouais, non, ça c'est fatigant. Ça me prend tout un chandail. Ce qui peut être tannant quand il fait chaud, tu sais, parce que j'aime ça être en bedaine dans la maison quand il fait chaud, mais là, ça te prend un chandail malgré tout. Oui. Puis notre fenêtre de salon ouvre pas présentement parce que c'est une vieille maison, puis il faut qu'on la change, tu sais. Fait que des fois, il peut faire chaud, mais j'endure, je fais de même. Fait que c'est ça. Donc, pantalon, pyjama. J'ai pas nécessairement l'habitude d'avoir un snack pour manger. Parce qu'on n'a jamais de chips ici. On a quand il y a du monde qui vient ou whatever. Fait que j'ai pas de snack. Ah, moi non plus, j'en ai jamais. J'ai de la bière, par exemple. Ouais. Moi, j'aime une bière en gaiement. Pas trop, tu sais. Mais une bonne, tu sais, pas une Coors Light. Là, ouais. Ça, c'est de la bière de whatever. Là, moi, j'aime une bière plus foncée. Oui. Parce que là, je déguste, je joue, je prends ça relax. T'sais. Mettons, si on boit du vin pour souper puis en reste, ben, je pourrais continuer le vin pendant que je game. Ça ferait mon affaire. Ça. Puis, bien sûr, là, je te parle de gamage de PlayStation 3. Ouais. Que je jouerais dans le salon. Bien sûr, il faut que tout le monde soit couché dans la maison là, parce qu'on a. C'est branché sa TV principale. Fait que c'est ça. Donc, ça se passe le soir, tu sais. Souvent, ça va se passer le vendredi soir ou le samedi soir quand ma blonde est endormie sur le divan. Elle finit par s'endormir souvent après ses émissions, whatever. Là, je peux jouer. Il est rendu 10 heures, tu sais. Ça se passe très tard. Mais, des fois, ce qui est pratique, tu peux avoir la gastro. Moi, je suis un gars qui a la gastro souvent. Je suis vraiment mal pris dans la vie. C'est une malédiction. Fait que j'ai des gastro, surtout depuis que j'ai un enfant. Fait que là, quand t'as la gastro... Papa gastro. Tu peux jouer quand même à des jeux vidéo en étant un peu sa gastro. Oh, mais bout. T'sais, tu peux jouer, mettons, une heure. Puis là, t'es comme... Oh, là, t'es vraiment knock-out. Faut que tu te coucher. Là, tu reviens. Quand t'es malade à la maison et tu travailles pas, tu trouves que c'est un bon moment pour jouer aux jeux vidéo. C'est vrai, ça. Puis depuis que je suis petit, chaque fois que j'ai eu mal au ventre ou que j'ai été comme anxieux, tout croche ou que j'ai été vraiment malade, j'ai joué à des jeux vidéo, ça me fait oublier tous mes mal, tu sais, tout le temps. Là. Ça me fait encore ça aujourd'hui. Je pense que c'est pour ça aussi que je suis beaucoup dans les jeux vidéo. Ça me fait fuir la réalité, tu sais, j'oublie tout. Fait que ça, c'est vraiment bien pour ça, tu sais. Fait que c'est ça, là, moi, ça se passe. Sinon, on est dans notre deuxième salon présentement que vous avez vu sur YouTube, sur la vieille télé en arrière. Ça, c'est plus accessible. Je peux jouer des fois une petite game vite fait de NES, tu sais, dimanche après-midi, pendant que mon fils est à la télé, puis que ma blonde a un magazine, tu sais, des affaires comme ça. Mais là, faut que je laisse mes games pause, par exemple, parce que, tu sais, je peux pas finir, là, Rygar en 5 minutes, là, tu sais. Eh non, c'est Shatterhand. Fait que c'est ça. Moi, j'ai deux postes, là, finalement. Un poste retro et un poste PlayStation 3. Fait que c'est pas mal ça, mais c'est tout. J'ai pas un rituel ou des conditions. C'est des conditions idéales, mais ouais, c'est ça. C'est ça. Non, c'est vraiment les conditions idéales. Sinon, c'est sûr que moi, les conditions idéales ultimes, c'est vraiment notre week-end à Tremblant à chaque année. Ça, c'est vraiment intense. C'est très intense. Ça, c'est le rêve, man. C'est juste ça, là. On sort, il faisait beau soleil, il faisait super chaud. Tout le monde est comme, yeah, c'est super beau dehors! Nous autres, on a fermé les rideaux pour avoir la tête du soleil. On voit rien! Ferme les rideaux! Eh oui, avec la bière, les jujubes, les biscuits puis les chips, tu sais. C'est tough sur le corps, pareil, là, de boire de la bière de même en intensément. C'est tough sur le corps, mais moi, je me dis, tu sais, il y en a qui vont à des week-ends de chasse. Moi, ça, c'est mon week-end de chasse. Tu sais, tu reviens bien brûlé. Il y a bien du monde qui font des voyages de pêche. Des gens qui sont pas pêcheurs, qui font des vieux week-ends de pêche pour se saouler à la gueule, tu sais, dans un chaloupe. C'est ça, pourquoi pas faire quelque chose que t'aimes? Pour rien faire. Puis moi, je trouve ça très cool, mais moi, tu sais, on a des enfants. Fait que quand on prend un week-end de même, puis on en prend un par année pour ça, tu sais, c'est très rare, fait qu'on fait ça, puis je comprends que tu veux déconnecter, puis on est, tu sais, on remercie nos blondes d'ailleurs de nous laisser aller, ce qui est pas simple, ce qui est pas évident pour eux autres. Fait que, on le prend pour ça, nous autres, là, effectivement. Ben c'est le fun de décrocher, là, pendant un week-end, là, même. Ben, raide. Mm. Puis moi, j'aimerais ajouter que ma bière de choix, quand je game, puis je veux prendre une bière, par contre, c'est la Budington. Parce ben oui, que ça, c'est ta bière. Ça. C'est ma meilleure bière de tous les temps, la Budington. Je pense que ça commence à être clair. Ouais. Puis c'est ça. Mais par contre, la Budington, elle est bonne très, très froide. Ouais. Fait que toutes les bières crémeuses comme ça, comme la Kilkenny, tu sais, c'est bon au froid. Le chaud, c'est pesant un peu. Là. C'est ça. Puis c'est un des désavantages du gaming. C'est ton drink refroidit pas, là, et ça réchauffe tout le temps parce que tu joues, t'es dans ta game, puis t'oublies ton drink, tu sais. Fait que non, c'est ça. Fait que là, faut que je trouve une solution à ça. Parce que la Bonington, elle se boit pas bien en canette, elle se boit bien dans un verre. Fait que faut que je me trouve une façon de refroidir mon verre. Achète-toi les bons vieux verres là avec du genre de l'eau. Des verres en plastique avec de l'eau, ouais, dans c'est ça. Verre, tu sais, exact. Que tu mets au congélateur. Parce que le bug glacé, ça le fait pas là, ben pour non, moi. Ça la, déglace en deux secondes. Ça déglace super là. Vite, puis ça laisse une grosse tache sur ma table. Ou que... bois plus vite. Aussi. Tu vas toujours avoir de la bière froide. Ouais, mais là, après ça, t'as un autre problème. Faut tout le temps t'aille pisser. Ça, c'est un. Ouais, c'est au milieu d'une game de Vanquish. Mais des fois, t'oublies que t'as envie de pisser en jouant. Là. Ouais. Mais toi, moi, tu sais, c'est rare que je vais jouer jusqu'à 3h du matin. Là, pis ouais. Parce que, boy, on se lève là, le lendemain pareil. Ah oh, non, moi, un moment donné, je m'endors sur ma manette. Moi, là. Des fois, je suis comme rendu à 1h, là, 1h30, là, tu sais. Ça dépend du jeu aussi. Ouais. Là. Mais là, rendu là, je m'en viens poquer puis je commence à me dire, ouais, faudrait que je lâche ça. Ouais. Ça arrive, ça, là. Ah non, moi, ça m'arrive tout le temps parce que je sais que le lendemain matin ou le matin même, parce qu'on est rendu la nuit, ouais. Mes enfants vont se lever à la même heure, là. Fait que c'est sûr et certain que ça va arriver. Ils vont faire comme, salut. Parce que tu le sais que tu vas payer le lendemain si tu gagnes jusqu'à 3 heures. Là, ça devient un débat de conscience, là. Ouais. Tu dis, ah, exact. Qu'est-ce que je fais, tu sais. Mais même, ben, je joue la semaine aussi, là, des fois. Ouais. Ben là, j'ai ressorti mon PlayStation dernièrement. Je suis retourné dessus. Puis, mais là, je joue à ça tard le soir. Là, je me ouais. dis, OK, là, je joue un jeu intense sur PlayStation 3. Puis, tu sais, je suis fatigué des fois. Je me dis, ouais. À soir, mettons, je finis de travailler à 5 heures. À soir, je me couche à 10 heures. Je vais être bien demain. Je vais être top shape. Ouais. Là, il est 10 heures le soir. La maison est tranquille. Tout le monde est à moitié endormi. Hey, je pourrais jouer sur mon PlayStation. C'est la TV principale de la maison. Ah. Ah non, j'avais dit que ah fuck off, je joue, tu sais. Mais là, fini, je me couche à 11h30, minuit moins quart, tu sais. J'ai ouais. joué, man, je suis comme stressé, j'ai des bosses dans les épaules, tu sais. Ah, des courbatures, tu sais. C'est dur, je trouve. Ah ouais. Tu sais. Ah, tout gérer ça. Où est-ce qu'on là, est c'est... présentement dans notre vie, tu sais. Ouais. Faut qu'on décide, tu sais, lequel mal tu vas vouloir subir exact. Suite à ton gaming, là, finalement. C'est sûr. Mais ben, même le podcast, c'est un peu ça. Ben t'sais. Oui, c'est ça aussi. Moi, je sais que, tu sais, le lendemain, je vais être poqué, mais je sais que ça vaut la peine. Fait que, tu sais, ah ouais. Je le fais, mais c'est la même affaire que le gaming, tu sais. Ben, comme un tu client, dis, là. Un jeune client décides. Qui est venu ici, tu sais, m'acheter des jeux qui avait genre 15-16 ans. Il me disait, moi, là, je fais des jeux, j'ai rien que ça à faire. Là, je me disais, oh mon gars, je m'ennuie assez de ton époque, si tu savais. Quand j'ai découvert Final Fantasy 2, j'avais genre 14 ans, oui. Je sais pas quoi. Je faisais juste jouer à ça, Shining Force au Genesis, des gros RPG. C'était oui. long, man. Genre, je dessinais ça temps, à l'école, puis dans mon cahier, puis je revenais le soir, je jouais à ça. Oui. J'avais le temps, je trippais. On louait des jeux, on jouait à des jeux, puis on n'avait rien d'autre à faire. Ça, c'était comme le meilleur moment. Là, ça va revenir. Là, ouais. Ça va revenir. C'est sûr. Parce qu'il n'y a pas juste ça dans la vie aussi. Non, c'est là, ça. On veut des enfants. Là, exact. On veut fonder une famille. On ne va pas capoter non plus. C'est des jeux vidéo. Mais c'est ça. Ça travaille. Ah ouais. Moi, j'ai un autre setup que j'aimerais dire avant de passer aux commentaires du public. Moi, il y a un autre setup que j'ai. Une autre condition idéale. C'est pour les jeux mobiles, dans le fond, les jeux de console portable. Ouais. Meilleure façon pour moi de jouer dans un jeu de console portable, c'est quand il fait frette, dans mon lit, couché en dessous des couvertes, avec juste ma console qui sort des couvertes, là, puis je mais joue. Puis est-ce que tu joues? Je suis collé sur ma blonde, là, on est bien collin, puis je joue à un joues-tu jeu. Joues-tu avec des écouteurs? Ou Ça me fait triper, oui, je joue tout ouais, le temps avec des ça. Écouteurs. Ben, moi, ma blonde, elle vraiment adore dur, là, tu sais, je joue avec la musique pas trop forte, là, mais des fois, elle me dit de le baisser, incroyable. Mais elle s'endort, tac, puis wow, je peux dormir la lumière ouverte, la lumière est ouverte, je joue, ah, là, ouais. Même des fois, elle me dit, allume la lumière, ça va te faire mal aux yeux, ben non, non, là, je veux pas te déranger, là, tu sais, si, bois. Mais elle adore vraiment intense, fait que ça, mais est-ce que tu joues à plein ventre? À côté sur tes coudes? Jamais. Moi, je fais ça, mais jamais ça dure capable jamais de faire ça. Très longtemps, parce qu'à un moment donné, fuck, là, faut que je m'assoie, parce que j'ai ultra mal au dos et aux coudes. Ouais. Là, j'ai comme pas de position, tu sais, jouer dans le lit, je fais toujours ça, moi, avec jouer portable, beaucoup dans mon lit, mais ouais. Je bouge, là, je bouge tout le temps, là, ah, mais c'est parce que t'as pas le bon setup. Quand t'es couché dans ton lit, moi, en tout cas, la position ultime que j'ai trouvée, le coussin, je le plie en deux, je le mets derrière ma tête, fait que ma tête est à 45 degrés. Puis après ça, j'ai ma console dans les mains, mais j'ai tout un gros mouton de couverte entre les deux bras qui fait que ma console, elle tient sur les couvertes. Wow! Fait que j'ai aucun effort à faire. J'ai pas de tendinite, rien. J'ai pas de problème. J'ai pas de sang qui descend des bras ni rien. Hey, au prochain tremblant, on dormira dans le même lit. Tu me présenteras ton setting. Ouais. On dormira ensemble. Et on jouera. Le lendemain, tout le monde se réveille, ils ont toute la nuit. On a pris nos Game Boy originales, on les a branchés avec un link, puis on a joué à Tetris. On avait juste la bonne longueur, c'était pas long ces maudits fils-là de merde. C'est clair. Fait que c'est ça, fait qu'en tout cas, on va passer à vos commentaires. Ben oui. Vas-y. On y va avec Maxime Leduc qui dit « En fait, ça me prend 2 à 3 jours de congé. J'embarque dans un jeu et je joue pendant 2 semaines. » À tout mettre en libre. Donc, pour moi, c'est simplement les congés. Ouais. Effectivement. Et t'as bien raison. Les congés, c'est le fun. Là. Mais les congés sont bien occupés aussi. Aussi. C'est ça. C'est touché. Il y a Charles-Étienne Gervais qui dit « Aucun setup particulier lorsque je joue à un jeu, sauf pour la journée du lancement de NHL à chaque année. On commence en début de soirée jusqu'au lendemain avec quelques bons amis. Bière, chips et ailes de poulet sont au menu avec une pause McDo vers 3 heures du matin. On se crée un joueur chacun et on se part une saison où on teste les nouveaux modes. Bien souvent, ça se termine par un déjeuner slash dîner chez McDo encore. C'est François Carignan. C'est vraiment cool, pareil. C'est le fun, les rituels. C'est comme le Super Bowl, tu sais, à chaque année. Totalement. C'est leur Super Bowl quand le nouveau NHL sort. Ça, c'est vraiment trippant, des rituels comme ça. C'est vraiment cool. Faut en avoir plus, Colin. À un moment donné, on fait le podcast, là, mais je pense qu'il faudrait qu'on sette des dates demain avec des rituels de gaming. Là. J'ai des idées. Ouais, ça tourne. Jonathan Cyr dit « Un vendredi sur deux, café à Maroula avec des amis entre 18h et minuit. Oh, » Distingué. Distingué, le monsieur. Ouais. « Je sors mes jeux de NES, Super NES, Nintendo 64, GameCube, Wii et Xbox 360 et on prend des décisions. Ha-ha. Ha-ha, ça c'était le lol. Ouais. Sinon, quand je joue seul, je préfère le matin ou le soir et il faut une journée de pluie. Durant le jour, il faut que je travaille ou bien que je m'occupe de ma blonde. » Et que je fasse semblant d'avoir une vie. Une vie que pour le gaming. Ah, mais je comprends. Yann McMurray dit « Une fois par année, une fin de semaine, beaucoup de boissons alcoolisées et de malbouffe, un chalet à Tremblant entre 6 et 8 amis, du rétro et du nouveau. » Et voilà. Et vous aurez deviné que c'est un de nos chums qui vient au Weekend Gaming. Fait que, yes. Fuck yeah. Jacques Germain. Comme je fais souvent des 12 et 21 heures, le matin sur ma chaise de gamer avec mon café dans ma tasse Final Fantasy, petit geek, c'est ça qui est écrit là, c'est pas moi qui le dis. Eh bien, des tasses Final Fantasy, c'est quand même assez épique. Et bien sûr, je fais le lavage et je plie le linge pendant les animations vidéo. Comme ça, je suis sûr que ma blonde chiale pas que j'ai rien fait. Il y a Jean-Sébastien Drolet qui dit « Seul, le soir, dans le sous-sol, une fois que mon garçon de 5 ans est couché. Les lumières fermées et des écouteurs sur la tête. » Ah, j'aimerais tellement ça jouer avec des écouteurs, mais je peux pas. Faut que j'entende mes enfants s'il se passe de quoi. Un Coke Diet slash Coors Light et des Ringolos. Ah, mais ça, des Ringolos, c'est parfait, ça, moi, man. Les Ringolos, là. Ringolos, là, il y a une technique pour pas fucker tes manettes, pour t'es pas avoir besoin. Ton doigt. Le dans petit doigt. Ouais, hein. T'es piques avec ton petit doigt, ouais, puis tu ouais, t'en ouais. mets 3-4 dans la bouche. Ça, c'est magnifique. Moi, j'ai un bon truc aussi. Tu prends le bol, puis tu te les vides. Oui. Ça marche. J'avais un chum, il met ça dans un verre. C'est parfait, ouais, ouais, ça se boit, les Ringolos. Dans un verre, c'est comme... Totalement, tu peux t'éviter dans la c'est bouche. C'est carré. Il y a un trou, anyway, tu t'étofferas pas. une fois par 2-3 mois, on se fait une soirée sushi avec des amis et on termine avec du vino et rock band. Mais elle aussi est distinguée quand ouais, même. C'est clair. Il y a Sébastien Cousin de la France, mesdames et messieurs, qui a un blog qui s'appelle boulot-retro-dodo.fr. Oui. Et que vous avez un beau petit blog, ouais. Très sympathique. Puis vous pouvez le voir sur Twitter à @boulot-retro-dodo. Il dit... Moi, j'essaie de prendre l'accent français. Ouais, moi, déjà, je joue principalement le soir. C'est une blague. Je trouve ça drôle. Là, j'adore les Français. J'en ai à la job. J'aimerais tellement aller à Paris. On va y aller un jour. Ah. Donc, moi, déjà, on habitera chez les Français, chez les Georgiens, si tu veux. Là. Il me reste encore des Georgiens en France. Je suis jamais allé. Voyons. Je suis 50% français, puis je suis pas allé encore. Moi, avec mon nom Bourret, en fait, ça vient directement de la France. Ah ben, bâtard. Hein? Donc, voilà. Il dit, moi, déjà, je joue principalement au soir, lorsque ma femme et mes enfants sont au lit. Hein? Donc, j'aime être tranquille tout seul. J'ai souvent une bouteille d'eau, un ou deux biscuits et des fruits à côté de moi. Hey, Colin, sont magnifique. Propres, ces Français-là. Il dit, et bien entendu, comme c'est tard le soir, je suis en caleçon. Pas c'est important. Le caleçon, mesdames et messieurs. Pas de pantalon, c'est bien important. Mathieu Lamar dit, moi, je m'écrase sur mon divan, je prends mes écouteurs et je sors ma vieille doudou Mario Bros que j'ai eue à 5 ans. Oh boy! Ok, elle sent peut-être pas très bon, entre parenthèses, 20 ans de dégâts et de liquide suspect, ça peut pas faire autrement. Mais Dieu qu'on est ben. Ah, je te comprends. Moi, quand mon fils laisse une de ses doudous sur le divan, des fois, je m'en sers pour m'abrier en écoutant la TV. Oh. C'est cute, puis c'est on est ben. Ça sent mon fils. Pierre-Luc Racine de Trois-Bières nous dit, faut un divan ou un lazy boy. C'est une de mes deux raisons principales pour lesquelles je joue sur console seulement. Être effoiré. Ouais. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Je suis vraiment d'accord. Les consoles, c'est fait pour jouer dans le salon puis être effoiré, bien à l'aise. T'sais, ouais. Pas dans une position de travail pour ceux qui travaillent sur ordinateur. Exact. L'autre raison, c'est de ne pas devoir courir après spécifications que les ordinateurs ont besoin pour rouler les jeux. Ah, damn right. Ah oui. Moi, avec. Ben, moi, les jeux vidéo, c'est pour pas me casser la tête, tu sais. Oui. Le moins possible, tu sais. C'est du divertissement, c'est pour te sortir de ta routine de tous les jours, là. C'est pas fait pour te faire travailler quatre fois plus que tu l'as fait durant la journée, là. C'est clair. Moi, il y a Pierre Thibodeau. 6 de Horror Gamer, ouais. Qui dit, quand t'as la chance d'avoir 4-5 bornes d'arcade dans ton garage avec un frigidaire plein de bière pis une gang de chums, c'est dur à battre. Il y a aussi mon setup d'Atari 2600 projeté sur ma porte de garage, chaise de parterre et cooler ben plein. Tabarnak, Pierre, pourquoi tu restes pas à Montréal? Il est assez cool, ce gars-là, man. Colin! J'aimerais tellement ça qu'il habite proche d'ici, là. Ah, t'sais, man! Tu sais, il tripe sur les jeux vidéo, il tripe sur le rétro, il tripe sur le métal. Check-moi ça, les beaux rituels qui se font. C'est l'horreur, c'est écœurant, hein, man. Il est super Colin. Sweet, tu sais, puis ses affaires sont intéressantes. C'est un gars que j'ai jamais rencontré, ouais. J'ai jamais parlé de vive voix. Même, je devrais laisser un message sur la boîte vocale. Ouais. Mais j'aime ce gars-là. Ah, moi aussi, j'aime ce gars-là. J'aime ce qu'il fait. Puis Colin, en plus de ça, le gars, il fait des bornes d'arcade. Ben oui, c'est ça. Il gosse dans les arcades. Puis il m'avait parlé aussi de ses soirées de Warlords à la Atari, oui. Projeté sur sa porte de garage. Mais oui! J'imagine les gars dehors, ils sortent des chaises pliantes. C'est ils cœur, jouent à l'Atari 2600 sur une porte de garage en buvant de la bière. C'est dans l'assez c'est épique, ça, mesdames magnifique. Et messieurs. Magnifique. D'ailleurs, shout-out à Horror Gamer. Si ouais. vous écoutez pas ce podcast-là, vous manquez de quoi. C'est tellement le fun. C'est drôle malgré eux parce ouais. que, tu sais, il y a son acolyte, qui est vraiment bon. Mais son Steph acolyte, Terreur. Là, Steph Terreur, je pense il que la c'est rend personnage Steph même. Terreur sur ouais. Twitter, mais je pense pas qu'il est très actif. Mais il parle tellement relax, là, même. Ah ouais, il parle vraiment relax. Ben ouais, ben ouais. J'ai acheté le nouveau Slipknot, là, puis c'est bon. Mais c'est ça, mais il est... cool. Il a pas besoin d'être comme excité ou whatever, il est juste lui-même. Il est lui-même, c'est super cool, tu sais. C'est ça, t'as Pierre qui est ça, il est super excité de tout, tu sais. J'ai vu un nouveau film d'horreur, man, c'est malade, là, comme... Ah, c'est bon, il y avait-tu bien du gore? Mais tu sais, ce qu'il y a de cool avec ce gars-là, c'est que lui, s'en sac. En bas, il connaît fuck all des podcasts, là, je ouais. pense, là, tu sais, puis lui, il est pas comme, il essaye pas d'être radiophonique, whatever. Exact. Il est là, tu sais, puis il fait son shit. Ah, je l'adore, c'est man. Totalement authentique, tu sais, ouais. puis c'est ça qui est cool là-dedans, là. C'est vraiment cool, là. En tout cas, continuez votre bon travail, les gars, vous êtes ouais. vraiment bons. Cool, fait que toi, t'en avais-tu un autre? Non, j'en ai plus, ouais, t'as raison. Ben moi, il m'en reste un autre, il me reste Marc Blouin. Qui dit « Avoir du temps en masse pour pas avoir besoin de constamment regarder l'heure. Avoir du liquide en masse pour te réhydrater. En masse de cochonneries à manger. Avoir la sainte paix. Être seul. » pour pouvoir profiter et te gratter en masse. T'en as besoin, tu sais. Et finalement, fuck la douche puis tout le kit, l'hygiène, ça sera pour demain. Mais hein, c'est le fun, man, d'avoir des petits rituels de gaming puis d'être d'avoir tes conditions idéales, ton setup idéal, tu sais. Moi, je me souviens, quand j'étais petit aussi, j'avais des rituels, mais quand j'étais petit, j'avais plus de temps à dépenser, j'avais plus de temps à perdre, puis j'avais des rituels pour chaque jeu. Je m'étais bâti un cockpit pour jouer à Spy Hunter sur Nintendo. C'était comme une espèce de boîte en carton, puis je m'étais fait une fenêtre de char. Puis j'avais comme dedans, sur une table, mon gars, avec mes manettes, puis tout, puis j'étais vraiment dedans. Même affaire pour... c'était quoi le jeu, Colin? Il y a un simulateur de vol sur Atari 2600. Je me souviens plus c'est quoi. J'ai juste Buck Rogers dans la tête. Dans l'espace? Star Master ou quoi? Ça se peut que ça soit ça. Tu voyais l'horizon, là, t'avais les lignes qui avançaient, puis tu voyais ton vaisseau qui passait par là. Okay. C'était sur Atari 2600, puis je m'étais gossé une genre d'avion avec mon joystick entre les deux jambes. C'est tellement drôle que tu parles de ça, parce qu'aujourd'hui, je réécoutais nos vieux épisodes. Oui. Puis t'as parlé... On parlait de... J'ai parlé de cet événement-là, je pense. Setup-là. On parlait de manette, je pense. Puis t'as parlé de la manette Jet que tu disais à Buck Rogers. C'est ça, mais j'ai juste Buck Rogers. Moi, je me dis, fuck off. Faut qu'elle cherche. Buck Rogers, que c'est ça? Je le dis dans le podcast, puis je le cherche jamais par la suite. C'est vraiment drôle que t'en reparles aujourd'hui. C'est un drôle d'adon. Mais non, c'est juste que moi, ça a marqué mon enfance vraiment. Au début, quand le gaming a commencé, moi, il y avait comme encore une partie d'imaginaire qui restait. Ouais. Fait que je me faisais des setups pour jouer vraiment. J'avais comme des rituels pour jouer. Puis surtout que l'immersion d'être dans ton cockpit quand tu joues à un jeu de char, ça n'existait pas dans ce temps-là. Là. Fait que c'était comme, tu sais, t'inventes tes affaires, tu fais ton stock, puis d'attitude, tu sais, c'était vraiment, c'était autre chose, tu sais. Puis je me souviens même d'avoir joué à Batman dans un kit de Batman. Ah ouais, c'est sûr. Le Batman, le premier Batman sur Nintendo, tu sais, j'étais vraiment dedans, tu sais. Puis là, c'est sorti tard, ça, t'avais 15 ans. Ah ouais. T'allais à l'école de même. Non, j'avais un chandail avec la crèche de Batman. J'étais dedans, j'étais fier. Je demande que ça, moi, avoir un chandail pour chacun des jeux de NES que j'ai. Ah, man! Un chandail pour Rygar, un chandail pour Willow, ça un chandail pour Nobunaga's Ambition. Ça serait écœurant, tu sais. Hey, d'ailleurs, petit Easter egg, Georget. Je n'ai parlé dernièrement, c'est pour ça sur Twitter. À toutes les fois que je fais une critique à Monsieur Net, mon t-shirt a un rapport avec ma critique. Ah ouais? Jusqu'à la date, j'ai réussi pratiquement à toutes mes critiques. Ah ouais? Fait que vous checkerez ça. C'est comme vous essayerez de faire le lien. Comme ce soir, je faisais la critique de Papo Agneau, puis c'est un jeu qui a rapport avec des problèmes avec les parents, avec les familles déchirées, pis tout ça, pis des enfants qui doivent partir dans leur imaginaire pour éviter leur réalité. Puis aujourd'hui, j'avais un chandail de Where the Wild Things Are. Puis si on pense un peu à ce qui se passe dans cette histoire-là, c'est sensiblement la même chose. Fait que jeux d'horreur, jeux de zombies, j'ai des affaires de zombies, il y a tout le temps un rapport. Fait que je suis encore dans cette espèce de beat-là, tu sais, que tant qu'elle parle d'un jeu, j'aime ça être dedans à 100%, tu sais, c'est le fun. Ah. Ah! Good times. Good times. Good times. Fait que c'est ainsi que se termine ce 35e épisode de Rétro Nouveau. J'allais me tromper. Oui. 35e épisode de Rétro Nouveau. Puis la semaine prochaine, on fait quelque chose de bien spécial. Oui, lundi, le 24 septembre, on est invité au podcast All Stars qui est organisé par les Mystérieux Étonnants. Oui. Ça va être live, je crois. Oui, je pense que ça va être live. Sur le toit de Ubisoft, dans leur terrasse. Oui. Puis on s'en va là avec plusieurs autres podcasts, je me souviens. je les ai pas toutes en tête, mais je sais qu'il va y avoir l'épée légendaire, Fun jouer jeu. Mac Québec. Ouais, Mac Québec va être là. Je me souviens pas des autres exactement, mais en tout cas, on va être là. Ouais. C'est un honneur pour nous autres. Puis, oui, c'est vrai, il va y avoir la commission des geekers. Ouais. Il va y avoir le dernier des podcasts. Fait que ça va être une grosse gang. Radio Talbot va être là aussi. Oui, Radio Talbot, ben oui. Ben oui. Puis les pionniers, finalement, du podcast au Québec. Fait c'est ça, tu sais, ça va être le fun. L'analyse parce que, des geeks aussi. Oui, sûrement. L'analyse des geeks, évidemment. Ouais. Fait que c'est une grosse gang, une belle gang. Puis on va tout être là pour parler du podcasting. Puis on a bien hâte de voir ça. Je veux dire, on est invités. Fait que tu sais, c'est pas nous autres qui lit la patente. Ouais. Fait qu'on peut pas vraiment donner de détails. Puis je prédis que la bière après va être très amusante aussi. Ouais. Ça serait bien cool de tout se ramasser à whatever quel bar, là, ouais. D'aller jaser, tout ça. Puis, ah oui, vraiment. Tu sais, Max Tremblay de l'Épée légendaire, oui. Il part de Rimouski. Joël de Fun Joueur, il part de Alma. Tu sais, oui. Ils se prennent des chambres d'hôtel. Sébastien Bouchard part de Chicoutimi, je pense. Oui. Fait que les gars, ils viennent de loin. Là, tu sais, oui. C'est très comme pris au sérieux, ça. Là. Donc, c'est très cool. Ça va être très cool. Ça va être oui. Bien amusant. Yes. Mmh. Fait qu'on a bien hâte de faire ça. On va vous tenir au courant, là, de toute façon. Ben oui. On va publier ça partout, puis c'est clair que vous allez en entendre parler. Là. Exact. Mmh. Puis, on vous dit pas c'est quoi, mais l'épisode 36 sera un épisode très spécial. Oui, un épisode spécial! Ouais, on travaille ça très fort, puis ouais. On a bien hâte de vous présenter ça. On est sûr que vous allez aimer ça. Ah ouais. Nous autres, on a bien hâte de le faire, en tout cas. Mais là, moi, je suis bien motivé. Ça me démange, là. J'ai le goût de le dire, je le dirai pas. Non, dis pas. Faut pas le dire. Faut pas le dire. Mais d'ailleurs, on va essayer de le faire aussi directement la semaine prochaine. Oui. Ça marchait oui. Avec toi, mais oui. Moi aussi. Exact. Donc, c'est ça, on visait un podcast aux deux semaines, mais là, j'ai été malade, tout, on a chié le truc. On s'ennuie. Ça va pas mal les semaines. Puis là, je pense que ça marcherait bien. Donc, oui. Voilà. Voilà. Alors, merci de nous avoir écoutés. Merci à vous puis, autres. Et on se revoit très bientôt. Yes. Bye. Ciao. Retro Nouveau.